Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est 19h31, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Red Arc du Sport. On est ensemble ce soir à 19h30, horaire de vacances, vous le savez, uniquement ce soir puisque la semaine prochaine ce sera le retour de Manu, donc à cette même place jusqu'à 20h30, et puis à 20h30 bien sûr on enchaîne évidemment avec l'émission. Ravi de vous retrouver donc ce soir pour encore un bon programme. On va débriefer tout de suite ce sommaire avec encore plein de choses. On va revenir sur la journée de Ligue 1 d'hier qui s'est terminée avec l'annulation, le report du match entre Marseille et Lyon. On y reviendra après ces jets de pierre sur le bus de l'Olympique Lyonnais. Ce sera en fin d'émission, on en reparlera tout à l'heure. On aura aussi bien sûr le reste de la journée de cette Ligue 1 avec notamment les défaites de Monaco notamment qui a été battu par Lille. On reviendra aussi sur la victoire du PSG compliquée puisque ça s'est joué en fin de rencontre, et puis on reviendra aussi sur les autres résultats bien sûr de cette journée. On parlera aussi de Ligue 2, un mode national. On aura également évidemment le débrief de cette journée en Europe, la Ligue des Champions bien sûr, évidemment aussi avec cette journée qui s'est passée toute la semaine. Plein de choses ce soir, évidemment en fil rouge la remise du Ballon d'Or, hein, cérémonie du Ballon d'Or en direct. Voilà, donc ça se poursuit hein, depuis quelques minutes maintenant, avec des 10 premiers encore à découvrir. Hein, donc on va y revenir tranquillement tout au long de cette soirée. Voilà, on connaît les 11 premiers pour le moment, donc on va donc découvrir ensuite le reste du classement. À noter concernant les Français, la 28e place de Randal Kolo Muani, la 21e place d'Antoine Griezmann, ou encore la 16e place de Karim Benzema, lui qui avait été titré l'année passée. On va attendre le top 10 donc, qui va démarrer dans quelques minutes. Donc on va suivre ça en fil rouge évidemment. Le reste aussi de l'actualité, ce sera aussi du rugby bien sûr, avec le titre de champion du monde pour l'Afrique du Sud qui a été sacré après avoir battu en finale la Nouvelle-Zélande. Encore une fois sur le plus petit des écarts, un petit point seulement donc entre les Blacks et les Springboks. On y reviendra avec cette finale qui est un petit peu déçue, hein, c'est vrai, dans le jeu. On va y revenir donc tout à l'heure. Ce sera donc dans la page rugby, avec aussi le retour du top 14 évidemment. Pour certains bleus, c'était aussi le retour à la compétition. Notamment Grégory Aldrit, on y reviendra aussi, qui a décidé de faire une pause. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Également au programme ce soir du tennis, bien sûr, c'est le début du Masters 1000 de Paris-Bercy, hein, qui de Rolex Paris Masters qui a démarré. Voilà, avec on y reviendra les différentes confrontations de la journée, les potentiels possibles donc affiches qui arriveront jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, tout ça ce sera tout à l'heure page tennis bien sûr, donc plein d'infos évidemment tout à l'heure. Et puis aussi bien sûr actualité basket, nouvelle victoire pour l'OLB qui enchaîne un troisième succès consécutif important dans ce championnat de Pro B. On y reviendra également tout à l'heure. La NBA aussi qui se poursuit. Et puis le reste des résultats en Europe dans les différentes compétitions européennes. Un mot aussi de Formule 1 avec la nouvelle victoire de Max Verstappen hier au Mexique. Et puis le reste de l'actualité en MotoGP également. Voilà le programme de ce soir. Des matchs en direct à suivre évidemment. Je le rappelle, la cérémonie du Ballon d'Or en fil rouge jusqu'à la fin de la soirée. On aura un match en Ligue 2. Ce sera à 20h45 entre Saint-Etienne, 5e, qui reçoit Angers, 2e. Bon match en prévision. Ce sera donc dans un peu plus d'une heure, 20h45, Beansport 1. En Espagne aussi, nous aurons un match à partir de 21h entre Grenade et Villarreal, 21h, ce match de la Liga. En Italie, on aura deux rencontres en direct. Pour le moment, on a un match entre Empoli qui affronte Atalanta à Bergame. C'est pour l'instant Bergame qui mène 2-0 à la pause. Et puis à 20h45, on aura la deuxième rencontre de la Serie A qui démarrera. Et ce soir, ce sera la Lazio de Rome qui va recevoir la Fiorentina, donc 20h45. Et également, des directs de tennis Donc Rolex Paris Masters en direct, un Français qui joue, c'est Lucas Van Hache, qui d'ailleurs avait été vu à l'Open d'Orléans, à Comet Orléans Open précisément. C'est donc Lucas Van Hache qui pour l'instant est mené dans la troisième manche, puisque nous en sommes à la troisième manche, 5-4, et il va devoir c'est de débriquer pour ne pas pour rester dans la rencontre, donc face à Ladio Djere, le Serbe. L'autre rencontre en direct, c'est pour le Japonais Nishioka qui affronte Thompson, l'Australien. Pour l'instant, c'est la première manche, 4-2 pour l'Australien. D'autres matchs arriveront ensuite, notamment Taylor Fritz face à Sebastian Baez, l'Argentin. On aura également un Français hein, qui sera tout à l'heure sur les courses. Ce sera Richard Gasquet qui va affronter Tommy Paul, l'Américain, pardon, et puis Stan Wawrinka qui sera opposé à Dominic Thiem, l'Autrichien, un duel de revenants. Ce sera aux alentours de 21h30. Voilà d'autres résultats aussi à noter. C'est fini pour Lucas Van Hache qui a finalement été battu en trois manches. Adrien Manarino a été battu également, ou encore Andy Murray, c'est déjà fini pour lui, battu d'entrée le Britannique en trois manches par Alix de Minaur, ou encore la défaite de Tiafoe. Quelques surprises donc pour ce premier tour, on y reviendra plus en détail, et également Shelton aussi qui a été battu, l'Américain, lui qui est resté sur un titre. Quelques surprises donc, on y reviendra tout à l'heure d'ici trois quarts d'heure hein, sur la page tennis, sur tous ces résultats. Allez, une pause et on revient juste dans la foulée pour lancer cette émission. On rappelle qu'on aura avec nous tout à l'heure également Hugo comme d'habitude pour la page foot d'ici une petite heure pour débriefer tout ça. Ce sera donc dans une heure maintenant. On démarre, première pause, et on revient juste après pour lancer donc l'émission dans 3 minutes 30 précisément. Après ce titre, Fats and Small Turnaround, c'est parti, on revient juste après pour lancer cette émission. La radio du sport, c'est Arc-en-Ciel, bien sûr, à tout de suite. Fats and Small à l'instant, Turn Around, c'était ce premier titre ce soir. Bien sûr, vous faites comme d'habitude la programmation de la soirée. Vous nous donnez vos choix, vos envies sur le Facebook, je rappelle l'arrêt d'Argus Sport. Et vous pouvez également, bien sûr, nous appeler. C'est au 02 38 434 800. 02 38 434 800 pour débriefer, réagir à toute l'actualité du moment. C'est un petit mot de, on va rappeler quelques noms importants sur cette cérémonie du Ballon d'Or hein, qui se poursuit, on le rappelle. On a annoncé tout à l'heure quelques les Français qui étaient pour l'instant classés. On trouve aussi d'autres grands noms hein, qui sont classés dans ce top 30. Évidemment, on peut penser notamment à Bellingham, hein, le Britannique de 20 ans seulement, qui est 18e dans ce classement, 19e place aussi pour Harry Kane. Lautaro Martinez, l'Argentin, champion du monde cette année, fin d'année passée, est 20e. On retrouve Martinez aussi, un autre Argentin, 15e. Lewandowski est 12e notamment, ou encore Mohamed Salah, 11e. On attend le top 10. On retrouvera évidemment Kylian Mbappé. On retrouvera les autres personnalités qui n'ont pas encore été classées. Donc on aura l'occasion de vous en dire plus tout au long de cette soirée. Hein, ça va s'enchaîner. On va rester avec ce fil rouge de, évidemment tout au long de la soirée. Et puis d'autres directs aussi qu'on n'oublie pas. Avec Bergame qui mène 3-0 désormais sur la pelouse d'Empoli. C'est donc pour la Serie A. Hein. On aura aussi un autre match juste après. Et en tennis, ça ne bouge pas pour l'instant, il n'y a pas de match en cours, donc on va attendre dans quelques minutes. Il y aura un match entre Grigor Dimitrov, le Bulgare, et Lorenzo Musetti, l'Italien. Ça va démarrer dans quelques minutes. On aura aussi Taylor Fritz qui sera tout à l'heure sur les cours, et aussi Richard Gasquet. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure de ces rencontres. Mais démarrons comme d'habitude avec l'actualité sport mécanique, avec hier ce Grand Prix du Mexique qui se déroulait, que vous avez peut-être suivi puisque c'était un Grand Prix qui était diffusé en clair sur les antennes de C8, et c'est une nouvelle fois Max Verstappen qui s'est imposé sur ce Grand Prix, encore une fois sans grande concurrence puisqu'il a été devant de bout en bout. Il devance, mais malgré un nouveau départ qui a été fait suite à un accident. Et malgré ce nouveau départ, ça ne l'a pas empêché de rester impérial tout au long de cette suite de Grand Prix. Il devance Lewis Hamilton pour 13 secondes, Charles Leclerc 3e, les Français sont un peu plus loin, Esteban Ocon 10e et puis Pierre Gasly 11e, 16e donc victoire pour Max Verstappen qui réalise un record. 16e victoire de la saison, c'est un nouveau record, donc c'est le premier pilote à en gagner 16, et un autre record égalé, celui d'Alain Prost, donc 51 victoires. Alors c'est pas le record absolu, c'est le record d'Alain Prost, mais bien sûr il y en a d'autres, puisque on a évidemment devant Michael Schumacher toujours, mais 51 victoires, c'est déjà une grosse étape pour le Hollandais, qui tentera de faire mieux puisqu'il restera encore 3 grands prix. Sao Paulo, donc ce sera ce dimanche, le Grand Prix de Sao Paulo. On aura ensuite de nouveaux grands prix pour finir. L'inauguration de Las Vegas cette année, ce sera le 19 novembre, et puis il y aura le 26 novembre pour finir à Abu Dhabi. Et donc les Émirats Arabes Unis pour conclure cette saison, donc sans trop de suspense. En MotoGP, là il y en a du suspense puisque ça continue avec le Grand Prix du Thaïlande qui s'est déroulé hier. La victoire est revenue à Jorge Martin, l'Espagnol, qui devance Francesco Bagnaia à l'Italien, donc à la deuxième place, et puis Brad Binder, le Sud-Africain, 3e, Quartararo 5e à noter, et puis Johan Zarco 10e de ce Grand Prix. Au classement, c'est toujours Bagnaia qui est en tête, mais Jorge Martin du coup vient de lui reprendre quelques précieux points puisqu'il désormais n'a plus que 13 points d'avance, l'Italien. Donc tout se jouera entre ces deux pilotes sur ces 3 derniers Grands Prix. Le prochain, ce sera la Malaisie dans 15 jours, Et puis ensuite, deux grands prix qui s'enchaîneront. Le Qatar le 19 et le Grand Prix de Valence le 26. Voilà les trois derniers grands prix qui s'enchaîneront à partir du 12 novembre. Et donc 13 points séparent Jorge Martin et Francesco Bagnaia, donc avec l'avantage pour l'instant pour l'Italien. Et puis en MotoGP, là aussi la saison qui approche de son terme, il restera plus qu'un rallye, mais on connaît l'identité du champion du monde. C'est encore une fois Cal Rovenpera, donc le Finlandais qui a réussi à conserver son titre après sa deuxième place au rallye d'Europe centrale qui a été remporté par Thierry Neuville, le Belge. Et donc grâce à cette deuxième place, il a réussi donc à conserver son titre, deuxième succès de l'année. Et notez que Sébastien Ogier faisait partie du rallye, quatrième place donc pour lui derrière Tanak, l'Estonien. Voilà donc pour cette saison qui s'achèvera dans trois semaines avec le rallye du Japon pour finir la saison. Mais voilà, le suspense n'est plus, puisque le Finlandais donc remporte une nouvelle fois ce championnat du monde. Voilà pour les actualités des sports mécaniques. On rappelle que ça se poursuit pour le Ballon d'Or. On voit que on aura Erling Haaland notamment qui est arrivé sur le tapis rouge, qui est l'un des favoris pour le Ballon d'Or, hein, qui est notamment Mbappé et Lionel Messi. Voilà, donc il est arrivé, ça va s'enchaîner tranquillement avec l'arrivée des autres prétendants. Et puis ensuite, bien sûr, on aura l'annonce des 10 premiers. On sera bien sûr là pour débriefer et suivre en direct en fil rouge tout ça. On poursuit avec autre chose, avec du handball. On n'en a pas parlé tout à l'heure donc dans la page dans l'agenda, mais bien sûr du handball au programme aussi. Avec notamment Saran qui se déplaçait par Montpellier. Gros déplacement encore une fois pour Saran, qui d'ailleurs avait déjà fait le déplacement à Paris la semaine dernière. Deux gros déplacements et ça n'a pas suffi pour Saran, puisque une défaite 34-28 face à Montpellier, la marche était trop haute une nouvelle fois pour les Saranais. Paris aussi s'est imposé à Chambéry 34-26. Et puis Chartres qui réalise une belle opération en s'imposant face à Ivry 29-24. Le PSG reste leader aux côtés de Montpellier, toujours invaincu, 16 points. On a Toulouse ensuite derrière, 14 points. Nantes suit à la 4e place, Aix-en-Provence, Saint-Raphaël. Chartres est 8e, 4 victoires et 4 défaites, voilà, qui est en milieu de tableau. Saran, en revanche, avec cette défaite, eh bien, est 13e. Enfin, en réalité, même 15e et 13e à égalité, avec 2 points seulement, et qui est devance Ivry, qui est derrière avec 1 point. Voilà, il va falloir gagner des matchs maintenant pour Saran, puisque ça va devenir déjà compliqué. Le prochain rendez-vous pour Saran, ce sera ce samedi avec, dans 15 jours, avec la réception de Toulouse, le 11 novembre prochain. Il n'y aura pas de rencontre de Star League cette semaine. Donc le 11 novembre prochain, réception de Toulouse au Palais des Sports. Voilà, il faudra absolument un résultat cette fois face aux Toulousains qui, on rappelle, sont troisième au classement. C'est vraiment, il y a un calendrier qui est compliqué pour Saran, qui a enchaîné Paris, Montpellier et Toulouse. Hein. C'est vrai que c'est pas simple pour les Saranais. Il faut se dire que ce sera fait. Et que derrière, il y aura des points à granger, probablement. Voilà pour Saran. D'ailleurs, qui aura rencontrera aussi le PSG en Coupe de France. Hein. Ce sera au mois de décembre. Voilà, le tirage au sort n'a pas été favorable à Saran, qui en plus se déplacera à nouveau. Il n'y aura pas de fête, malheureusement, pour ce match de Coupe de France au Palais des Sports. On le verra, en tout cas, si ça peut passer dans les prochaines semaines, donc mois de décembre, pour ce match de 8e de finale de Coupe de France. On poursuit avec un mot de Ligue des Champions. Ligue des Champions avec la suite aussi de la saison, bien sûr, qui se poursuit, avec notamment pour Montpellier, c'était la semaine dernière, une défaite, donc à domicile, qui leur qui les relègue à la 6e place du classement de cette poule sur 8 équipes. Donc voilà, pour Montpellier, il va falloir remonter évidemment essayer de remonter le plus vite possible. En revanche, pour Paris, eh bien, pour Paris, c'est pour l'instant une deuxième place. Voilà, après, malgré sa défaite, hein, face à Kiel à domicile, Paris est toujours deuxième. Derrière Kiel, justement, hein, le vainqueur prenait la place de leader et les Parisiens étaient battus. À domicile, c'était jeudi, cette rencontre. Voilà, il va falloir réagir aussi. Il y aura pas de match non plus cette semaine en Ligue des Champions. Donc une petite trêve aussi pour cette Ligue des Champions. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions féminine, Brest est de son côté sixième, et puis Metz troisième toujours. Ça se passe assez bien pour les Messines dans cette Ligue des Champions, avec pour l'instant la deuxième place. Voilà pour cette actualité dans l'élite. On tient un petit mot avant de revenir aussi sur bien sûr Fleury, et puis pour Gien, dans les divisions un petit peu inférieures, qui concerne l'équipe de France féminine, qui, on rappelle, pour le moment, qui poursuit sa campagne de qualification à l'Euro. Voilà, l'Euro qui aura lieu en décembre prochain. Ça va arriver en décembre, oui, de 2024, pardon, puisque en décembre de cette année, il y aura le Mondial déjà. Les Bleus qui poursuivent donc leur campagne avec un match qui sera joué à Orléans face à la Slovénie. Ce sera en mars prochain. Voilà, pour ces qualifications européennes. Rappelle que l'équipe de France est championne olympique toujours. Et donc à l'Arena d'Orléans, ce sera le 3 mars prochain face à la Slovénie. Voilà, ce sera une belle fête, bien entendu. Il y aura d'autres matchs aussi d'ici là. Fin novembre, préparation pour le Mondial, il y aura un stage aussi à Caen. Voilà, donc il y aura le Mondial à partir du 24 novembre. Il y aura le Sénégal, le 28 aussi contre la Corée du Sud. Et puis ensuite, la tournée va se poursuivre jusqu'au 3 mars pour cette rencontre face à la Slovénie, donc à Orléans. Donc 11 000 places attendues pour cette affiche là on en reparlera bien sûr, et ça compte donc pour les qualifications à l'Euro 2024, donc avec la possibilité de se qualifier si victoire il y a. Voilà, on n'en doute pas. Et puis ensuite il y aura cet Euro qui démarrera fin novembre jusqu'au mois de décembre 2024. Autriche, Hongrie et Suisse pour les pays organisateurs de cet Euro. Ça, ce sera dans un an. On aura évidemment l'occasion d'en reparler largement. Un mot, oui, donc de Gien aussi, évidemment. On le disait tout à l'heure dans la poule de National 1. Gien qui recevait Nantes samedi dernier, défaite 32-28. Gien donc est 11e avec cette défaite, 11 points pour le moment. La réserve de Saran était s'imposée à l'extérieur, ce qui fait que la réserve de Saran est troisième. Il n'y aura pas de match non plus cette semaine. Repos pour tout le monde donc dans ce championnat de National 1. Et puis un mot pour finir de Fleury, des féminines de Fleury aussi, hein, qui, on rappelle, évolue également en National 1. Cette saison pour les Panthères, c'était donc une réception, celle de l'équipe du Finistère, 26 partout, score final. Fleury 8e avec ce résultat, avec 13 points pour le moment. C'est assez serré dans cette poule. En revanche, pour les filles, il y aura des matchs cette semaine pour Fleury, donc ce sera un déplacement à Chambray pour un derby face à Chambray dans la Touraine. Ce sera samedi à 19h pour essayer de continuer sa remontée au classement. Pour l'instant, on rappelle, donc 8e place, c'est très serré, hein, le podium n'est qu'à 2 points, donc tout est encore possible. Il faudra pour ça s'imposer donc ce samedi donc à Chambray les Tours, pour tenter donc d'engranger une nouvelle victoire dans ce championnat de National 1. Voilà les résultats en balle. On va donc poursuivre dans quelques secondes avec un rappel aussi des directs qui vont bien sûr arriver dans quelques instants. Les directs donc de, bien sûr, on rappelle cette partie Ballon d'Or qui se poursuit toujours, hein, Ballon d'Or, c'est Rémi du Ballon d'Or, qui ira jusqu'à la fin de l'émission. On aura d'ici là les résultats des 10 premiers. Je vérifie, pour l'instant ça ne bouge pas, on est en train d'attendre tout le monde avec Eden Hazard présent à la cérémonie. On rappelle lui qu'a annoncé mettre un terme à sa carrière il y a quelques jours, et puis également Emiliano Martinez 15e qui était présent sur le tapis rouge, un accueil qui a été mitigé sans doute donc sur le tapis rouge. Voilà pour le Ballon d'Or et puis les résultats donc des directs, ça n'a pas bougé pour le moment. Où c'est parti par contre en tennis, hein, partout Taylor Fritz, Dimitrov Muzetti aussi, c'est parti pour ces affiches. On va marquer une pause et on revient pour la suite avec du basket notamment et avec du rugby et du tennis. Voilà, il est déjà presque 20h, hein, ça va très vite. On va marquer donc une pause tout de suite et on revient donc juste après ce titre d'Oasis. C'est tout de suite, ça démarre avec Wonderwall, c'est parti. Donc dans 4 minutes on se retrouve pour la suite. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est la Radio du Sport. À tout de suite. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Oasis, Wonderwall à l'instant pour ce deuxième titre de la soirée. On évoquait à l'instant le handball, donc pas de match cette semaine pour les hommes puisque ce sera la pause internationale, on le rappelle, avec pour l'équipe de France masculine donc un premier rassemblement, hein, ça y est, premier rassemblement. Donc en fin de saison, hein, depuis le mondial, donc avec on aura une préparation et puis donc un stage, hein, un match face à la Roumanie samedi, ce sera à Toulouse, Palais des Sports de Toulouse, à 17h15. Donc 26 joueurs ont rejoint ce rassemblement à Créteil, hein, pour la suite de la préparation. Il y aura donc ce match samedi 17h15 à Toulouse. Ensuite il y aura donc un autre stage qui aura lieu en fin d'année, hein, du 21 au 24 décembre, toujours à Créteil. Ensuite, il y aura la préparation à l'Euro qui aura lieu, on le rappelle, à partir du 10 janvier. Donc pour les Bleus, donc on aura d'abord un stage à Nantes avec un tournoi qui aura lieu donc du 1er au 7 janvier, le stage qui démarrera. Et puis deux rencontres s'intercaleront dans ce tournoi. La Tunisie et le Brésil au programme 4 et 6 janvier, puis à partir du 10, c'est parti pour les matchs de l'Euro en Allemagne. La Macédoine du Nord le 10, la Suisse le 14 et l'Allemagne le 16, le pays organisateur donc à partir du 16. Et puis ensuite, nous aurons donc les matchs du tour principal qui démarrera, on espère, avec les Bleus à partir donc du 18 janvier, et puis ensuite il y aura les passes à partir de fin janvier, les demi-finales et finales. Donc ce tournoi, cet Euro qui démarrera donc au 10 janvier, d'ici là la Roumanie programme samedi pour les Bleus. Voilà pour tout à fait complet sur ce rassemblement qui a lieu, et donc pas de match évidemment pour les clubs. Ça se poursuit sur les directs. Je rappelle, Talatin Bergam, Empoli 3-0 toujours à l'extérieur, donc Empoli. Il reste 20 minutes à peine. En Italie toujours, il y aura Lazio de Rome, Fiorentina dans maintenant 40 minutes. On aura également à 20h45 toujours Saint-Étienne-Angers en Ligue 2. Ce sera un match à suivre sur Beansport 1. Et puis en Espagne, Grenade Villarreal, ce sera à 21h. Et sinon, on a du tennis en direct. On rencontre pour le moment qui se joue au tie-break ce premier set entre Thompson et Nishioka. Donc 4-3 dans le tie-break pour Nishioka. On a un autre match en direct entre Taylor Fritz et Sébastien Baez, l'Argentin. Pour l'instant, 3 pour Fritz qui a fait le break. Et puis, autre match en direct, c'est Grigor Dimitrov face à Lorenzo Musetti. Un partout pour l'instant. Et puis, juste après ces matchs, on s'enchaîneront Tommy Paul, Richard Gasquet, donc juste après. Et puis, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, ce sera aussi juste après dans la foulée, à l'issue des fins de match en cours. Donc voilà les matchs qui nous attendent pour la suite de ce premier tour, hein, du Rolex Paris Masters, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Mais tout de suite, donc, on va poursuivre avec la suite de l'actualité. On va notamment revenir sur l'actualité basket. On aura aussi, bien entendu, du rugby et puis du tennis. Voilà ce qui nous attend. Basket, on va démarrer avec l'OLB, avec Orléans qui, donc, pour cette troisième rencontre de championnat, se déplacer à Châlons-Reims, victoire et avec la manière d'Orléans 89-69 qui permet à l'OLB de rester leader aux côtés de Vichy, de Rouen ou encore de Nantes qui sont pour l'instant les équipes invaincues. Voilà, donc pour le moment tout va bien pour Orléans qui tentera d'enchaîner avec deux matchs cette semaine, deux journées cette semaine. Premier match à domicile, ce sera demain soir à Comet Arena, allez-y, ça serait un beau spectacle. Réception de Rouen, voilà, donc qui pour le moment, Rouen se trouve deuxième, on le rappelle, hein, égalité, donc une équipe invaincue, deux équipes invaincues qui s'affrontent. Donc ça, c'est une belle affiche demain soir, Comet Arena 20h, Et autre journée, cinquième journée, vendredi, déplacement à Allianz Sport Alsace, qui pour l'instant au classement est septième. Voilà, donc ce sera vendredi à 20h cette fois-ci en déplacement. Donc deux jours, deux matchs cette semaine. Et le premier à domicile demain face à Rouen. Allez-y, vraiment belle affiche au programme. Ça peut vraiment être très intéressant à suivre entre deux équipes invaincues. Dans la Betclic Elite, pour l'instant, c'est Monaco qui est en tête, toujours invaincu, un 9 matchs, 9 victoires, qui vraiment enchaîne vraiment les résultats. On retrouve Paris deuxième, Bourg-en-Bresse troisième pour l'instant. Et pour l'instant, Gravelines et Boulogne, toujours pas de victoire au compteur. C'est des saisons qui vont être longues pour ces clubs-là. Un mot de NBA avant de repasser du côté des Coupes d'Europe. En NBA, quelques rencontres qui se sont jouées cette nuit, notamment la victoire d'Atlanta à Milwaukee, celle des Warriors qui ont été s'imposer à Houston, et puis trois victoires à domicile, Philadelphie qui a battu Portland, les Clippers qui ont battu les Spurs, et puis le Sacramento qui a battu les Lakers aux prolongations. Score final 132-127. Après cette première salve de match, eh bien, pour l'instant, Boston, Indiana et Orlando sont les leaders de l'Est. Bon, il n'y a eu que trois matchs, hein. C'est vraiment quasiment pour l'instant anecdotique. Et puis à l'Ouest, Dallas, Denver et la Nouvelle-Orléans sont donc les équipes leaders du côté de l'Ouest. Cette nuit, quelques matchs qui peuvent être intéressants à suivre. À partir de minuit, on aura Indiana, Chicago Bulls notamment. On aura Toronto, Raptors, Portland à minuit et demi. Voilà quelques affiches. Denver, Utah Jazz à 3h. Ou encore les Lakers face à Orlando à 3h30. Voilà plein de matchs tout au long de cette nuit à suivre donc un petit peu à toute heure. Et revenons en Europe cette fois avec l'Euroleague. On retrouve toujours nos deux clubs français. Monaco qui s'est imposé face à Tel Aviv. Jeudi, c'est une belle victoire avec autorité 107-79. Et puis de son côté, l'Asvel a été battu tout juste du côté de... c'est à domicile d'ailleurs, face à Bologne, 87-84. Rien ne va plus pour l'Asvel. Dernier, hein, toujours pas de victoire au compteur. En revanche, tout va bien pour Monaco, sixième, avec trois victoires pour deux défaites. Donc tout va bien. Pour Monaco, ce sera un nouveau match jeudi pour nos deux clubs français, Monaco et l'Asvel, tous les deux d'ailleurs à l'extérieur pour cette sixième journée de l'Euroleague chez les hommes et puis chez les dames d'ailleurs. On trouve aussi nos clubs français avec Villeneuve d'Ascq notamment qui est cinquième, ou encore l'Asvel chez les femmes également. Pour l'instant, dernier aussi de sa poule, donc c'est une saison compliquée. Pour l'instant, pour les filles, en Euroleague, et puis un mot de l'Eurocoupe pour continuer avec ces résultats de clubs français. Paris, toujours invaincu aussi, donc tout va bien, 4 sur 4 pour l'instant dans sa poule. Et Bourg-en-Bresse, deuxième, donc nos clubs par contre en Eurocoupe se débrouillent très bien et sont pour l'instant très bien placés dans leur championnat, tout comme nos clubs en Ligue des Champions aussi, où pour l'instant ça se passe assez bien pour notamment Strasbourg ou encore Le Mans, qui sont plutôt bien placés aussi dans leur poule de Coupe d'Europe. Pour faire bien sûr un point complet un petit peu plus tard dans la saison sur toutes ces compétitions européennes. Le temps pour moi vous dire que eh bien de nouvelles personnalités sont arrivées sur le tapis rouge du Ballon d'Or, notamment Didier Deschamps, Guy Stéphane et Philippe Diallo, voilà, qui sont arrivés, président de la Fédération Française de Football, et bien sûr Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphane, qui viennent donc d'arriver. Voilà, tout ça va s'enchaîner, bien entendu, jusqu'à 21h et le début de la cérémonie principale, et bien sûr les différentes récompenses. On aura l'occasion de suivre tout ça, bien sûr, tout au long de la soirée. Voilà, donc pour le basket, on referme cette page basket avec toute l'actualité. Du rugby, tout de suite, avec deux infos. Évidemment, la fin de cette Coupe du Monde, Claude, qui s'est clôturée avec la victoire et le titre pour l'Afrique du Sud, qui donc a remporté cette finale, encore une fois, qui s'est jouée sur un tout petit point. Victoire 12 à 11 des Springboks, tout au pied cette fois pour les Springboks. Pollard, avec 4 pénalités de Pollard. Donc, côté néo-zélandais, on a eu droit à un essai tout de même de Barrett et 2 pénalités. Malheureusement pour les Blacks, il aura manqué une petite transformation, une petite pénalité pour que ça passe. Et évidemment aussi, on peut retenir le carton rouge hein, pour Sam Kane qui est évidemment dès la 21e minute, qui a beaucoup pénalisé les Blacks tout au long de la rencontre, et l'Afrique du Sud donc qui conserve son titre donc deuxième fois consécutive, et une finale quand même très fermée hein, c'est vrai, il faut le dire, qui a manqué un petit peu de saveur. Afrique du Sud donc seule équipe, seule nation avec 4 titres mondiaux, donc il faudra maintenant se tourner vers l'Australie dans 4 ans pour évidemment revoir nos Français à l'œuvre. L'Angleterre de son côté termine 3e, victoire étriquée face à l'Argentine 26-23, avec un peu plus de spectacle que cette finale. Donc 3e donc de cette Coupe du Monde en France, on le rappelle, et donc on referme évidemment ce mondial après toute ces belles affiches. C'était aussi le retour du coup du top 14 hein, avec les internationaux français qui étaient de retour pour la plupart. C'était la 4e journée. À noter que Pau pour l'instant est en leader aux côtés de Castres et le Racing hein. Pau s'est imposé à Perpignan, d'ailleurs on n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce classement. Et puis Castres et Racing aussi hein, qui enchaînent à La Rochelle et à Montpellier, voilà des victoires extérieures pour les leaders, notamment Toulouse aussi s'est imposé, et on retrouve derrière ces équipes le Stade Français, Toulouse, Lyon, encore Toulon, et je le disais donc Perpignan bon dernier pour l'instant de ce top 14 qui va vraiment reprendre tranquillement ce week-end avec le retour aussi d'autres internationaux d'ici là. On pense aux nations qui ont joué ce week-end, ça va être le retour de tout le monde évidemment. Et puis à noter que Grégory Aldrit a décidé de rester au repos plusieurs semaines hein, fatigué physiquement et puis mentalement également, c'est ce qui a été révélé par Magazine Sud-Ouest ces dernières heures, et il va donc observer un repos plus long que les autres, il ne devrait pas revenir avant le mois de janvier hein, notamment Grégory Aldrit donc d'après les dernières informations. Voilà pour le français donc qui a encore besoin de temps pour se remettre de ce mondial. Voilà pour le rugby. On aura le retour aussi hein, du RCO. On le rappelle toujours dans la championnat de Fédéral 1, bien entendu, qui va poursuivre la saison aussi hein, de Fédéral 1. On aura l'occasion de reparler de cette équipe qui repart pour la saison, pour l'année. Donc d'ici là, bien entendu, la suite du championnat, ce sera à partir de ce week-end. On en reparlera plus en détail dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actualité rugby. On va marquer une petite pause dans quelques minutes, juste avant le foot. Le temps de revenir sur les directs que l'on suit tout de suite, avec aussi du tennis, justement dans un instant, pour ce début du tournoi du Rolex Paris Masters. On va en parler maintenant d'ailleurs de ce tournoi, pour revenir sur la victoire de Jannik Sinner qui s'est imposé hier à Vienne en finale face à Vadim Medvedev, la tête de série numéro 1, en 3 manches 6-4, 6-6, 6-3, victoire pour l'Italien donc. Et à noter aussi que dans l'autre tournoi majeur de la semaine passée à Bâle, c'est Félix Auger-Aliassime qui s'est imposé face à Hubert Hurkacz, le Polonais, en 2 manches serrées, 7-6, 7-6. Voilà les résultats donc du week-end passé. Et cette semaine donc, on le disait, c'est bien sûr le Rolex Paris Masters en premier tournoi majeur. On aura donc Novak Djokovic dans une partie de tableau relativement jouables, notamment avec Holger Rune, Yannick Sinner notamment, encore Casper Ruud. De l'autre côté, pour Alcaraz, un tableau avec Tsitsipas, Medvedev, Casper Ruud pardon, qui est aussi du côté d'Alcaraz. Vous l'avez compris, donc un gros tableau pour ces joueurs. Aujourd'hui, donc, notamment victoire de, je le disais tout à l'heure, hein, donc d'Alex de Minaur, hein, qui a battu Andy Murray. C'est fini aussi pour notamment Francis Tiafoe, un Américain, 6-3, 6-4, la défaite très vite de l'Américain. Davidius Fokina qui s'est imposé, l'Espagnol, ou encore la victoire de Bublik face à Tiafoe, je le disais. Défaite des Français pour Muller, pour Lucas Van Hache ou encore Adrien Manarino. Ça s'est mal passé pour les Français pour ce premier tour. Il restera Richard Gasquet tout à l'heure, peut-être face à Tommy Paul. Il y aura Stan Wawrinka, Dominic Thiem aussi. Voilà, puis les matchs en cours, je le disais, qui se poursuivent. Et puis l'entrée en lice de Djokovic ou encore d'Alcaraz, ce sera à partir de mercredi. Alcaraz qui affrontera Safiulin, hein, d'ailleurs, puisque il s'est imposé le Russe aujourd'hui. Ce sera donc à partir de mercredi. Et donc pour ce deuxième tour donc du Rolex Paris Masters, arrivera ensuite la Coupe Davis, hein, qui va arriver un petit peu plus tard. Donc ce sera la fin de saison, avec il y aura aussi les Masters de Turin, bien sûr, aussi. Voilà, une fin de saison avec beaucoup d'enjeux pour certains. Voilà, et on aura, on l'espère, de belles affiches à venir. Et tiens, pour ce qui concerne les femmes, là aussi on arrive en fin de saison, le Masters qui se déroule en ce moment même pour les filles, ce Masters donc avec les deux groupes habituels. On retrouve Pegula, Sabalenka, Rybakina et Sakkari dans le groupe 1, et dans l'autre groupe on retrouve dans le deuxième groupe on retrouve Świątek, Wondrousova, Goff et Jabeur, pardon. Pour l'instant, deux matchs seulement se sont joués. Pegula a battu Rybakina, Sabalenka a battu Sakkari, donc dans les deux premiers matchs de ce tournoi. Voilà, et puis Coupe Davis, on aura l'occasion d'en reparler, cette phase finale qui va arriver. On recherche aussi un capitaine du côté des Bleus, on le rappelle. Bien entendu, ça ce sera à partir de l'année prochaine pour les Bleus qui sont pas qualifiés, hein, pour les quarts, on le rappelle, des quarts de finale qui auront lieu. Donc ce sera à partir du 21 novembre, donc juste après le Masters, évidemment, avec la Serbie face à la Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Australie, République Tchèque, ou encore Canada, Finlande. Voilà les affiches de ces quarts de finale, mais on aura l'occasion d'en reparler plus longuement, bien entendu. Voilà pour le tennis, le Ballon d'Or, ça se poursuit. L'arrivée d'autres personnalités donc sur le tapis rouge, avec notamment Jude Bellingham qui est arrivé, lui qui est 18e au classement, qui postule aussi pour le trophée Copa, hein, le meilleur joueur de l'année. Les membres aussi de la délégation de Barça sont arrivés, notamment on le disait, pas mal de personnalités arrivent tranquillement au compte-gouttes jusqu'à le début de la cérémonie finale à partir de 21h. En ce qui concerne la suite du programme, ce sera du tennis, du football pardon, évidemment, dans 10 minutes à peine, avec Hugo avec nous. Donc on va poursuivre avec une petite pause, et le foot ce sera dans la foulée. Bien entendu. Allez, on marque une pause de 3-4 minutes. Le temps de récupérer Hugo avec nous en direct. Et puis on va débriefer toute cette actualité. Foot, il y a plein de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce sera juste après ce titre de Alan Parson Project. C'est parti avec Eye in the Sky. C'est maintenant. Et on revient juste après pour la dernière partie foot. C'est parti, à tout de suite. Retour avec à l'instant ce titre de The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. On est normalement avec Hugo avec nous si la liaison s'est bien faite. Salut Hugo. Salut Rémi. Comment tu vas? Alors, deux secondes, parce que je savais pas que c'était à l'antenne du coup. Ah pardon, il était pas tout à fait prêt. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Après, on t'entend très bien. Je sais pas si de ton côté tu m'entends bien aussi. Je t'entends très bien. Bon, parfait. On va essayer de faire comme ça ce soir. On teste un petit peu des nouveautés, voir si on arrive à obtenir une meilleure liaison avec Hugo. Écoute, beaucoup de choses ce soir avec un programme foot qui va être quand même chargé. On a bien sûr le Ballon d'Or en direct qui se poursuit. Pour l'instant, c'est l'arrivée des stars sur le tapis rouge. On aura la suite du classement aussi, les 10 premiers qui vont arriver d'ici 21h. Hein, je pense qu'à partir de 21h, ça va s'enchaîner. Et puis, ça, ce sera le fil rouge. Et puis, tout le reste du temps, on aura le débrief de la semaine on va revenir sur la Ligue des Champions, hein, c'est chronologiquement à partir de mardi. On va avoir aussi les autres compétitions européennes, c'est jusqu'à jeudi. Et puis à partir de vendredi, le début du championnat à l'étranger, en France, jusqu'à hier soir. Et donc cet incident qui est arrivé à Marseille, et ça tu pourras nous en parler peut-être plus précisément, toi qui est un fan de Marseille, et ce match reporté donc après le caillassage du quart de Lyon, et surtout ouais. Cette blessure, on va y revenir, de Fabio Grosso. Voilà, on en reparlera de ça tout à l'heure. Juste finalement, je change d'avis, je t'entends pas trop bien, ça coupe pas mal. Ah, alors donc, on va revenir sur la formule. Ouais, on va la formule de base. Ouais, voilà. Okay. Bon, écoute, à tout de suite, on va reprendre Hugo avec nous dans un instant. On a voulu inaugurer quelque chose et essayer d'avoir Hugo en WhatsApp pour avoir une meilleure qualité de son. Malheureusement, ça ne s'est pas conclu. On va récupérer Hugo dans un instant. Juste après. Donc voilà, le programme, il est quand même très chargé. Je le disais, on a une heure pour débriefer tout ça. On aura aussi bien sûr pronostic l'autofoot en fin d'émission. Voilà, donc ce sera tout à l'heure. On aura le débrief de ces pronostics. Et on va récupérer Hugo dans quelques minutes, quelques secondes, je l'espère, pour pouvoir débriefer avec lui de toute cette actualité. Le temps pour moi de vous donner les résultats en cours des matchs en direct. Hein. Voilà, on va récupérer Hugo, donc on va en profiter pour refaire un point sur ces matchs-là. Du foot toujours donc avec Bergame, toujours l'Atalanta à Bergame, qui pour l'instant dans sa rencontre face à Empoli, c'est fini à l'instant, hein, donc 3-0 score final. Donc pour Alain Bergame, on verra d'ailleurs tout à l'heure au classement les conséquences de ce résultat. Dans un quart d'heure maintenant, on aura Lazio de Rome Fiorentina. Ce sera donc dans un petit quart d'heure. On aura aussi dans un quart d'heure Saint-Étienne Angers. Ce sera pour la Ligue 2. Donc ça, ce sera dans un petit quart d'heure également. Et on aura également dans quelques minutes aussi, 21h, Grenade Villarreal. Ça c'est donc pour le match de la Liga qui démarrera à 21h. Voilà les rencontres que l'on va suivre en foot tout à l'heure. En tennis aussi ça se poursuit. On est le troisième set un petit peu partout, on a je crois Hugo qui est avec nous. On va voir si on peut récupérer Hugo. Je ne suis pas certain que tout ait fonctionné correctement. On va essayer de voir si on a Hugo avec nous. Est-ce que Hugo est avec nous? Allô. Est-ce que Hugo est avec nous? Hugo est là. Oui. Est là. Oui, ça y est, on t'entend bien. Oui. Non, puis je t'entends bien aussi, donc c'est nickel. Bon très bien. Et écoute, on a voulu innover avec WhatsApp. Bon, ça c'est pas concluant comme ça. Bon, on le saura. Pas encore, mais il faudrait qu'on fasse peut-être des tests un petit peu plus en amont. Mais forcément, c'est compliqué avec nos agendas. Mais par contre, première fois, je m'entends un petit peu en écho derrière. Ah. Voilà. D'accord. Mais c'est léger, c'est pas très grave. Mais... D'accord. Bon, très bien. Oui, je disais. Oui, le temps de finir. Donc les directs, donc deuxième set partout au tennis sur les matchs en cours. Je le disais avant que on raccroche, qu'on a une belle actualité et on va aussi revenir et finir avec tout à l'heure les événements d'hier soir et ce report final finalement du match de l'Olympico. Ouais, on finira par ça. Je sais un petit peu ce que j'en pense. Après voilà, je vais rien apprendre à personne. Je pense que je suis de l'avis de la majorité. Donc on va revenir là-dessus évidemment. Très bien. Avant ça, on aura des choses qui seront plus sympas évidemment. On va revenir sur la journée européenne. On va d'ailleurs commencer par ça puisque chronologiquement c'est ce qui s'est passé en premier avec d'abord. La Ligue des Champions, donc à partir de mardi, on avait l'URC Lens qui lançait mardi les hostilités avec la réception du PSV Eindhoven et un match nul finalement quand même avec des bonnes choses. Hein. C'était un bon match nul pour Lens, hein. On peut le dire. Ah oui, on peut dire ça, hein. C'est un bon match nul. Lens aurait même pu peut-être approcher la victoire. Après, c'était pas une surprise parce que voilà, depuis les deux premiers matchs, on savait de quoi ils étaient capables. Ils nous avaient montré beaucoup de bonnes choses contre Arsenal et contre Séville. Donc c'était pas une surprise non plus. Moi, la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait faire quand même attention au PSV. Et en effet, le PSV a quand même montré de bonnes choses offensivement. Fallait faire attention, mais c'était quand même un petit peu en deçà de ce que je pensais. Mais voilà, Lens qui, comme d'habitude, a concédé le premier but, mais est revenu par une force mentale incroyable, un gros caractère, avec évidemment le deuxième homme, hein, le public qui a joué son rôle aussi, forcément dans le stade de Bollard, comme d'habitude. Voilà, Wai qui marque, donc c'est très bien pour lui. Et voilà, un partout, ils auraient presque pu, ouais, comme je l'ai dit, aller chercher le deuxième but et pourquoi pas la victoire. Maintenant, voilà, ça reste un bon résultat, évidemment, après trois matchs. Jamais on aurait pensé que Lens serait deuxième du coup au bout de trois matchs, et qui est surtout la seule équipe à vaincre du groupe. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est un bon résultat. Maintenant, il faut aller chercher la même chose, si ce n'est plus au match retour là-bas à Eindhoven. Surtout que si Lens gagne, peut-être match nul, non, si Lens gagne en tout cas, il serait sûr de jouer une Coupe d'Europe en phase à élimination directe. Hein. Donc même l'Europa League. Enfin, minimum l'Europa League et donc au mieux la Champions League. Mais donc voilà, il faut absolument gagner la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, ce sera à l'extérieur cette fois. Et tu disais, oui, ils auraient pu l'emporter, ils auraient pu aussi perdre hein, sur la fin de match, puisque ça allait d'un but à l'autre et c'est presque... Oui, bien sûr. Voilà, un résultat logique finalement. Ce match nul, dans le même temps, Arsenal a gagné à Séville et donc a pris la tête de ce groupe. Donc à Séville avec Martinelli et Jesus, ouais, les buteurs. Et donc 6 points en tête, on a Lens 5 points. Et puis derrière 2 points pour Séville à Eindhoven. Donc on attaque les matchs retour, tu le disais, à partir de la semaine prochaine. Et Lens cette fois ira à Eindhoven. Ce sera évidemment pas la même dans ce stade. On suivra évidemment cette rencontre-là. Et les autres groupes donc de mardi qui jouent mardi, notamment le Bayern qui a été s'imposé à Galatasaray 3-1 et United qui s'est imposé 1-0 face à Copenhague. Donc pour Bayern tout va bien, 3-3. United est 3e avec 3 points et qui est devancé par Galatasaray, hein, pour l'instant 4 points. Donc dans ce groupe c'est assez ouvert. Ouais. Ouais, si je peux dire un mot rapidement, hein, j'ai pas vu le match en direct, j'ai revu le résumé après, mais si vous vous rappelez bien ce que j'avais dit la semaine dernière, j'avais dit que c'était vraiment le match à regarder, je crois que c'était à 18h45, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. Peut-être que je me trompe, mais Galatasaray Bayern, non, je crois que c'était à 18h45, c'était le match justement à regarder en amont de la grosse soirée, parce que bah, le Bayern c'est le Bayern, et puis Galatasaray ils ont une très très belle équipe cette année, et ils proposent vraiment du beau jeu. Et ça a été le cas, hein, c'était le cas, même si le Gala a perdu 3-1 contre le Bayern et ils ont vraiment posé beaucoup de soucis au Bayern, notamment au début de match, en première période. Et voilà, et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Galatasaray est encore au classement devant United. United qui fait quand même un mauvais début de saison malgré sa victoire contre Copenhague. Mais voilà, Galatasaray, ça reste une très belle équipe cette année et donc ça reste à surveiller. Et c'est pour ça que pareil, semaine prochaine, va falloir surveiller le Bayern Galatasaray, le match retour. Parce que je pense que ça va être toujours un très beau match avec une belle confrontation. Et un beau niveau de jeu de la part des deux équipes. Ah oui, si, c'est le Bayern Galatasaray. Ah oui, donc, oui, pardon, j'ai confondu. Oui, c'est ça. Donc, ce sera surveillé aussi à l'extérieur, cette fois pour le Galatasaray. Rapidement, le groupe du Real et de Naples qui se sont imposés tous les deux. Ça n'a pas été simple pour les deux. Real qui s'est imposé 2-1 finalement après avoir mené 2-0, mais c'était important de s'imposer. Et puis Naples aussi qui s'est imposé et qui a retrouvé la victoire avec ce résultat. Donc ils sont en tête pour l'instant, les deux clubs, Real 9 points et Naples 6 points, alors que Braga a 3 points. Mais mention spéciale quand même justement à ces deux outsiders de l'Union Berlin et puis de Braga, puisque les deux ont fait quand même relativement un bon match, hein. Ils ont posé beaucoup de soucis à ces deux favoris qui sont Naples et le Real, hein, comme tu l'as dit. Ils ont vraiment tous les deux fait un bon match malgré une défaite de ces deux équipes, mais pour les deux à un but d'écart, donc 1-0 entre Berlin et Naples et puis 2-1 pour le Real contre Braga. Mais voilà, de belles performances quand même, et surtout je voulais souligner la bonne réaction des supporters de Berlin, puisque à la fin du match ils ont évidemment félicité et applaudi leurs joueurs, hein, de l'Union Berlin, malgré le fait que depuis le début de saison c'est assez chaotique, hein, non seulement en Ligue des Champions mais surtout en championnat. Je sais plus ils sont combien exactement Berlin, mais ils sont dans les 5 derniers je crois. Mais malgré ça, voilà, les supporters sont toujours là, très optimistes on va dire, et voilà, ils ont félicité leurs joueurs en disant que voilà, vous avez rien à vous reprocher. En 90 minutes, vous avez tenu tête aux champions d'Italie, ils vous ont battu que d'un but. Donc voilà, en tout cas, je voulais juste souligner ça. La belle réaction des supporters berlinois. Et du coup, Berlin ira à Naples la semaine prochaine. Hein. Ouais, ça va se compliquer. Ça va se compliquer avec ça, ouais. Et enfin, toujours mardi, c'était donc l'Inter qui recevait le Salzbourg, victoire 2-1. Et même chose pour la Real Sociedad qui a été s'imposer à Benfica 1-0. Donc on retrouve ces deux clubs à la première place avec 7 points. Et puis ensuite donc 3 points et 0 points pour le moment, donc dans cette poule D. Benfica, c'est très compliqué, Benfica. Hein. C'est tellement compliqué. Ouais, c'est étonnant, ouais. Ben, c'est étonnant, oui et non. Enfin, oui, il y a un manque, je pense, de renfort de cet effectif. En plus, Di Maria est blessé en ce moment, donc c'est sûr que c'est forcément compliqué, sachant que Di Maria, depuis son retour, c'est une pièce maîtresse dans cet effectif. Mais là, ça va être très très compliqué. Alors déjà pour les huitièmes de Ligue des Champions, c'est quasiment mort, hein, on peut le dire. Après, toujours essayer de tenter d'accrocher la troisième place pour l'Europa League, mais Salzbourg, ça reste assez costaud, on va dire, par rapport à Benfica. Mais bon, faut jouer le coup à fond, mais c'est compliqué, ouais. Très bien, donc voilà pour mardi, ce qui s'est passé. Et puis à partir de mercredi, on avait notamment le PSG qui recevait le Milan AC avec une victoire 3-0. Du PSG, voilà, qui a fait le boulot. Alors, qui a pas eu un match ultra serein, mais qui a fait le boulot et qui s'impose 3-0. C'était ce qui était attendu en tout cas. Ouais, un match pas ultra serein, c'est vrai. Alors sur le papier, si on n'a pas eu le match, on se dit ah bon. Mais Milan a, enfin en tout cas le PSG avait du mal un peu à trouver la solution. On va dire durant les 30 premières minutes. Après, Mbappé a débloqué la situation à la 32e avec sa spéciale. Hein, maintenant, petit crochet à l'entrée de la surface côté droit. Et puis, on croit qu'il va ouvrir son pied, petit filet opposé. En fait, non, il ferme son pied dans le petit filet en face de lui. Et ça fait mouche encore une fois, c'est ça spécial vraiment. Il l'a encore fait ce week-end, on va en parler tout à l'heure en championnat. Mais voilà, il a débloqué la situation. Et puis après, bon, le PSG est resté quand même relativement au-dessus du Milan AC. Après, voilà, c'est... Encore une fois, je me mets tout le temps en avant, mais c'est encore une fois un petit peu ce que je disais la semaine dernière, mais voilà, le Milan AC qui, certes, a une belle équipe, mais qui pêche beaucoup à la finition, offensivement, il y a quand même des lacunes dans cette équipe, et ça s'est montré face au PSG, mais voilà, ça fait une belle victoire 3-0 avec un but de Colomwani, ça fait du bien, je pense, pour lui, et puis Kanguilli aussi, un beau but, donc c'est très bien pour le PSG, c'est un très bon résultat. Avant donc, ouais, le match retour à San Siro la semaine prochaine, un beau 3-0. Et j'ai même à l'extérieur, je pense que j'ai du mal à avoir un autre résultat, un autre match, voilà, en faveur de ces deux équipes. Je pense que c'est à peu près la même histoire. Donc même Milan à domicile, je pense que les rivaliseront pas face au PSG. Je pense. Oui, ça me semble compliqué aussi. Hein. PSG est quand même supérieur. Et on l'a vu quand même sur cette rencontre. On en parlera tout à l'heure aussi, mais pareil, on l'a vu ce week-end avec Milan qui gagnait 2-0. Je sais même plus c'est contre quelle équipe exactement, j'ai oublié, mais il gagnait 2-0 Milan. Et puis ils se sont fait remonter à 2-2, pareil, c'était hier le match. Hein. Ouais. 2-2, voilà, c'est compliqué, ils ont du mal à Milan. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à les voir. Se refaire en tout cas contre le PSG, contre ce PSG là. Et puis dans le même temps, Dortmund qui a été s'imposé à Newcastle 1-0, donc on a Paris 6 points, et puis Dortmund et Newcastle 4 points. Le Milan est dernier du coup avec 2 points pour le moment. Donc, ben, ouais, c'est pour ça que finalement la victoire de Dortmund c'est une bonne chose pour le PSG, hein, parce que oui. Newcastle aurait pu rester premier au contraire du PSG, mais du coup c'est une bonne chose en soi. Le PSG est donc premier, mais Dortmund qui a fait le taf, honnêtement, j'étais pas sûr de ça, mais en tout cas c'est une belle performance de Dortmund. Ouais, un petit écart, mais ça suffit, et c'est vrai que ça fait les affaires du PSG qui... Bon, qui est pas largement leader, mais qui est leader, c'est important avant d'attaquer la phase retour. Donc à partir de la semaine prochaine. Rapidement, puisqu'on a encore beaucoup de choses à balayer ensuite, mais City, voilà, qui s'est imposé 3-3 à Berne avec un doublé d'Haaland. Voilà, c'est du classique, hein, pour City. Ouais. Voilà, et puis en même temps, Leipzig aussi a gagné sur le même score face à Belgrade. Donc City et Leipzig sont pour l'instant bien devant, 9 et 6 points, alors que les autres clubs sont à 1 point, donc il n'y aura pas trop de suspense dans ce groupe normalement. C'est quasiment fait, ouais. Il y aura un peu de suspense pour la troisième place, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est surtout la troisième place qui va certainement se jouer. Voilà, le scénario est un peu le même dans le groupe H, avec le Barça qui est leader, qui aussi s'est imposé face à Donetsk, et puis Porto aussi qui s'est imposé face à Antwerp. Donc voilà, même scénario, 9 points, 6 points, 3 points et 0 points. Voilà, on a un scénario qui est un petit peu pareil, et pour l'instant on connaît pratiquement les deux qualifiés. Et un dernier groupe aussi, qui est celui de là où c'est très serré en revanche, avec l'Atlético Madrid, Rotterdam, Lazio de Rome et Glasgow, puisqu'il y a ça se détache pas pour le moment, avec notamment l'Atlético qui a été tenu en échec à Glasgow 2-2, avec un but notamment de Griezmann, encore une fois, qui est vraiment en grosse forme, mais donc c'est Glasgow qui met les 2-1, hein, et c'est pas un super résultat face à Glasgow pour l'Atlético, hein, loin de là même. Ah bah c'est oui loin de là, c'est clairement pas un bon résultat, surtout qu'on sentait depuis les deux premières journées que Glasgow était quand même un peu en dessous du niveau des trois autres équipes, même si les défaites à chaque fois n'étaient pas si grandes non plus, hein. Glasgow a perdu 2-0 à Feyenoord lors de la première journée et 2-1 à domicile contre la Lazio, mais voilà, Glasgow ça semble vraiment quand même au niveau du jeu en dessous de ces trois autres, donc oui, forcément c'est pas une bonne performance quand on s'appelle l'Atlético Madrid, et surtout quand on a cette équipe là. Voilà, après je pense qu'au match retour ils vont se refaire à domicile au Wanda Metropolitano, donc je pense que c'était une exception, mais je pense que l'Atlético va faire le taf la semaine prochaine, mais avec Glasgow c'est très compliqué, ouais, pour eux c'est sûr. Après oui, ça reste serré entre les trois devant, hein. Ça c'est sûr, ça va être une belle chose à suivre, quoi. En tout cas, entre le Feyenoord, la Tichico et la Lazio, ça va être sympa à suivre, ouais. Ouais, ça risque de se jouer jusqu'au bout. Dans ce groupe un mot rapidement avant de poursuivre avec aussi les autres coupes d'Europe. Ça bouge aussi, hein, bien sûr, le Ballon d'Or. Où pour le moment, ça démarre, hein, ça va démarrer. D'autres arrivées, notamment avec Lionel Messi. Ça y est aussi qui est arrivé. Il y a bien longtemps qu'il est arrivé. Ah oui, d'accord, je les vois que maintenant, moi, mais. Ah, c'était avant que j'arrive à l'antenne. Hein. D'accord. Okay. 15 minutes qu'il est arrivé, ouais. Ok, ouais, Kylian Mbappé aussi, Vinicius, ouais. On le disait aussi. Bellingham, Vinicius. Bah là, ça y est, enfin, je sais pas si t'as les mêmes images que moi, mais du coup, là, ça y est, la cérémonie commence, Didier Drogba, et puis. Ça y est, ouais. Mademoiselle, dont je ne connais pas le nom, excusez-moi, prennent la parole sur scène, en tout cas, sur l'estrade, donc c'est parti. On a aussi, Novak Djokovic qui est arrivé, qui est à Paris évidemment, puisqu'il y a le tournoi à Paris-Bercy cette semaine, donc il est sur place. Qui était aussi d'ailleurs au Stade de France samedi soir pour la finale de Coupe du Monde de rugby. Ouais, voilà. Tout à fait. Et puis d'ailleurs que Djokovic et Mbappé, quand il est arrivé, Mbappé ont échangé quelques mots oui. Qui avaient l'air en tout cas sympathiques. Hein, oui. Ça, ils ont bien parlé, ils étaient souriants, ils sont pris dans les bras. Enfin, voilà, c'était une belle petite conversation. Ouais. C'était sympa à voir. Ouais, donc il y a Djokovic et un peu partout. Notamment, il y avait aussi Federer, samedi soir au Stade de France pour la finale. Lui qui a sa maman qui est sud-africaine, donc il devait être content évidemment de cette victoire. David Beckham aussi qui est arrivé à la cérémonie, voilà, qui n'était pas attendu. Et il est présent donc sur la cérémonie. Donc ça y est, là, on attend maintenant. Voilà, pardon. J'ai entendu Vinicius qui arrive sur scène, en tout cas. Vinicius avec... Voilà, c'est ça. Voilà, on va pas, évidemment, c'est Amoni qui se lâche l'équipe, hein, pour pas... Alors, je sais pas ce qui se passe, mais Bernardo Silva arrive, Kvaratskhelia arrive le jour de Naples. Alors, je sais pas pourquoi ils viennent. J'ai pas le son non plus, du coup, comme je suis à l'antenne. Hein, oui. Il y a Julian Alvarez qui arrive sur scène, avec également une joueuse, mais je ne connais pas le nom. Alors il y a un premier peut-être trophée qui va être décerné. Alors il va y avoir évidemment d'autres trophées. Il y a Chine, trophée Copa, trophée Gerd Müller. Comme d'habitude, ouais. Hein, donc ça va s'étendre jusqu'à. Ah oui, il y a le Gerd Müller aussi, c'est vrai. Oui, ah, oui. C'est quoi ça déjà? C'est le. Pour le fair play, non? Je sais plus. Fair play, ce que j'allais dire, mais oui, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'était arrivé l'année dernière. Hein. Alors, c'est marrant, mais les joueurs qui arrivent sur scène, là, c'est ceux des mêmes clubs. Là, on voit Brice Samba et Eli Wai arriver, donc du RC Lens. Il y avait Alexia Putellas, donc la Ballon d'Or féminine de l'an dernier, et puis Lamine Yamal, je crois, du Barça. Ça arrive Rodri et puis Ruben Dias est arrivé. Là, en fait, ils arrivent tous par club, par binôme. Ah oui. Alors, comme j'ai pas oui. Le son, du coup, donc je sais pas trop pourquoi, mais. En tout cas, c'est comme ça. Alors, ça applaudit. Voilà, alors, trophée Gerd Müller, c'est le meilleur buteur de l'année, pardon. Ah oui, c'est oui, ça. Oui, c'est, non, je confonds avec. Je confonds les trophées, mais de toute façon ils vont être décernés, donc on va pouvoir les voir tranquillement tout au long de la soirée. On va les débriefer, on va poursuivre en attendant, parce que ça va. Il y a 20 000 personnes qui arrivent sur scène. C'est, alors, il y aura plus cette place, je sais pas ce qu'ils font à tous arriver. Donc ça continue donc d'arriver. Ça ne s'arrête plus. Ça n'arrête pas. Je sais pas ce qu'ils font, mais on va voir ce qui se passe. Donc voilà, ça se poursuit. Ah oui, ça arrive encore. c'est fou. Hein. Donc ça se poursuit pour les directs. Sinon, notamment 20h45, c'est parti. Hein, Lazio de Rome. Ça n'arrête pas. Et ça rentre encore, ouais. Ça rentre encore. On sait pas tout ce qui. On sait pas. Ah oui, ils sont nombreux sur la scène. Mais ça continue encore, mais c'est fou. Oui, ça arrive encore, ouais. On va peut-être avoir l'explication dans un instant. Saint-Étienne-Angers aussi, c'est parti, 0-0. Et puis la Geodrome Fiorentina également, donc pour les directs. Et puis en tennis, c'est les deuxièmes sets partout. Hein. Pour le moment dans ces trois rencontres en cours. Tiens, un mot aussi avant d'enchaîner Je voulais juste une petite info que tu as dû voir, la blessure de Tchouaméni et fracture du métatarse pour le français. Je sais pas si tu avais vu cette... J'ai vu d'ailleurs Didier Deschamps qui a dit un mot tout à l'heure au micro de la chaîne L'Équipe justement là-dessus. Et puis évidemment, hein, notre confrère de L'Équipe qui a posé la question si forcément ça pouvait laisser une place à Warren Zahir Emery lors du prochain rassemblement dans 2 semaines maintenant. Ouais, c'est ça, dans 2 semaines. Ouais. Donc Didier Deschamps qui s'est montré plutôt optimiste. Hein. Je pense que c'est possible que Zahir Emery ait potentiellement sa chance du coup dans 2 semaines. Grâce entre gros guillemets hein, de la blessure de Tchouaméni. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai envie de le voir. Et puis tu vois bien Rémi, c'est pas comme si Zahir Emery avait zéro expérience en équipe de France. Il a quand même fait les espoirs depuis plusieurs rassemblements, avec Thierry Henry notamment. Alors qui plus est, Zahir Emery, c'est le capitaine aussi des espoirs avec Thierry Henry, donc forcément il a quand même un rôle capital. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas forcément facile qu'il soit tout de suite sélectionné avec les A. Mais j'aimerais quand même le voir là maintenant, parce qu'il fait tellement preuve de maturité, de talent tout simplement avec le PSG, que finalement ça me fascine et que j'ai presque envie de le voir avec l'équipe de France A. Donc peut-être que ce sera l'occasion du coup. Peut-être que Deschamps va en profiter. En tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est malheureux. Pour revenir sur Tchouaméni, c'est malheureux quand même. Hein. Tchouaméni, ça reste un super joueur, un très très bon milieu de terrain avec le Real, avec l'équipe de France. Ouais, qui en plus est assez adroit devant le but et surtout en dehors de la surface. On l'a déjà vu plusieurs fois. Mais voilà, en tout cas, peut-être que ça laissera une première chance à Zahir Emery en A. Et c'est le moment peut-être, puisque là, on rappelle. C'est Gibraltar et Grèce au programme, donc c'est évidemment des équipes. Enfin, on est qualifié. On va chercher le moment de faire tourner, quoi. C'est ça, voilà. C'est des matchs où normalement ça peut se faire. Donc on verra. C'est censé être une formalité. Après, faut évidemment dans le foot, dans tous les niveaux, faut toujours prendre l'adversaire au sérieux. Voilà, on n'est pas novice, mais oui, ça reste quand même des sélections avec un niveau un petit peu en dessous de ce qu'on peut affronter régulièrement. Donc on peut se permettre de faire tourner un petit peu et de tenter des choses, ça c'est sûr. C'est ça. Alors là, il y a un premier trophée, je pense, qui va être décerné, puisque je vois des... C'est les 10. Le trophée Copa qui va être bientôt décerné. Mais là, ils étaient en train de remontrer les 10, les 10 du Ballon d'Or qui ont été représentés un par un. Donc juste pour vous préciser, un trophée Copa, c'est le meilleur jeune de l'année. Voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, je sais plus exactement. C'est Eden Hazard qui ramène d'ailleurs le trophée sur la scène. Alors oui, j'ai pas les 10 nommés en tête exactement, mais selon toi, qui pourrait gagner? Moi, je sais que de mon côté, pour moi, c'est Bellingham, hein, clairement. Qui va gagner? Ouais, le trophée Copa. Ouais. Ah pardon, je croyais que tu parlais du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, on sait déjà. Oui, meilleur jeune, ça peut être Bellingham. Oui, alors c'est jusqu'à quel âge? Parce que du coup, je crois que c'est jusqu'à 21, mais je suis pas certain. D'accord. Je suis pas certain, mais parce que Bellingham, il a quel âge? Mais il est nommé, hein, Bellingham. C'est pour ça. Oui, il est nommé, oui. Bon, on va voir. Donc, mais en tout cas, il est montré avec Vinicius aussi. Vinicius n'est pas nommé. Ils l'ont montré pour le montrer, mais il n'est pas nommé alors. Enfin, je crois. Bellingham, il a 20 ans, mais je sais qu'il est nommé, je l'ai vu. Mais pour moi, c'est lui, il n'a rien à dire. Hein. Alors, non seulement avec Dortmund, mais en plus, là, avec la première partie de saison exceptionnelle qu'il fait avec le Real, franchement, il est. Bon. Oui, ce serait un scandale qu'il l'ait pas, quoi, qui remporte pas ce trophée là. Bon, on va poursuivre en attendant, parce que si on va prendre du retard sinon. rapidement aussi, juste pour revenir sur, il y avait des matchs de sélection ces derniers. On parlait de l'équipe de France à l'instant, donc le temps, l'occasion pour moi de vous dire que l'équipe de France féminine jouait aussi. Des matchs de la Ligue des Nations qui a été créée, hein, cette saison pour les féminines, donc qui a remporté le match face à la Norvège. vendredi soir 2-1 et avec déjà les deux premiers succès face au Portugal et à l'Autriche, les Français sont en tête de leur groupe et donc vont attaquer la deuxième partie des matchs. Donc demain soir, réception de la Norvège à Reims. Et après en décembre, il y aura les deux derniers matchs face à l'Autriche et au Portugal. Début décembre pour essayer de se qualifier pour la phase finale, donc comme les garçons, donc cette élimination qui a été créée. Voilà, et puis on parlait des espoirs aussi qui attaqueront aussi la suite des qualifications à l'Euro mi-novembre, hein, en même temps que la trêve des A. Voilà pour revenir là-dessus. Et puis on va maintenant poursuivre avec la suite. Donc en Ligue Europa, on va revenir uniquement sur les matchs des Français, puisqu'on va pas tout faire, évidemment, ça va prendre trop de temps. Alors tiens, ah bah, il y avait les nommés, là je les ai vus. Mais je les ai perdus. Je sais pas si tu as le temps de les voir. Non, j'ai un peu bougé de place, donc j'ai pas vu, mais je peux pas te dire. Bon bah en tout cas ça va être remis, donc on va. Alors qu'on voit David Beckham à l'image. Ça va être remis. Eden Hazard qui est en train d'ouvrir l'enveloppe et qui va annoncer le vainqueur, qui est donc. J'ai pas le son, je sais pas ce qu'il dit. Eden Hazard, mais Bellingham. C'est Bellingham, ouais. Oui, ce qui est bon, attendu, c'est lui donc qui remporte ce trophée. Voilà, bon, c'est un petit trophée, hein, mais c'est déjà encourageant pour la suite. C'est vrai que le trophée, là, il est en carton, à chaque fois que je le vois depuis 2-3 ans. Ouais, c'est pas fou. On dirait c'est les puzzles 3D que tu trouves en grande surface, quoi, tu en carton, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est pas arrivé, mais bon. C'est pas le ballon d'or, quoi, c'est sûr. Non. On revient vite, très vite sur donc les matchs des Français en Ligue Europa. On a d'abord Marseille qui s'est imposé face à la UK Athènes 3-1. Ça, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail. Une victoire qui fait du bien pour le moral des Marseillais. On rappelle qu'ils partent sur une grosse forme en championnat et puis qui n'était pas bien non plus, qui n'était pas au mieux dans la phase de poule de Ligue Europa. Donc une victoire 3-1 qui va faire du bien aux Marseillais. Ah ben oui, clairement, une victoire qui fait du bien. La première en Europa League, en Coupe d'Europe cette saison, du coup. Donc oui, forcément une victoire qui fait du bien, 3-1. Alors forcément l'exclusion du garage, hein, de la Hécatène nous a permis donc de prendre l'avantage et puis de vraiment prendre l'ascendant dans cette rencontre jusqu'au bout. Alors d'ailleurs le gardien qui fait un peu n'importe quoi, une relance ratée, et donc l'attaquant phocéen revient dans la surface et au lieu peut-être de laisser faire et de laisser marquer le but, il préfère prendre vraiment en grippe l'attaquant et donc provoquer non seulement le pénalty, mais en plus de quasiment être sûr d'être exclu. Qui donc est arrivé, la double sentence. Alors voilà, après oui, il y a deux écoles. Hein. Est-ce que oui, justement, on préfère laisser marquer le but et potentiellement après, quand on est toujours à 11 contre 11, essayer d'aller remarquer pour l'AEK Athènes, ou est-ce que justement on essaye de provoquer le pénalty quitte à prendre un carton rouge, mais potentiellement est-ce que le pénalty va être raté, et donc voilà, il y a deux écoles. Mais le gardien a préféré faire une faute grossière et donc laisser le pénalty à l'OM, on l'a marqué, et puis après voilà, on a été le reste de la rencontre pendant plus d'une demi-heure à 11 contre 10. Donc forcément ça nous a aidé, on a marqué un autre pénalty encore après. Et voilà, on a su dominer le match. Donc bon, évidemment, en tant que Marseillais, en tant que Français, on va pas s'en plaindre, bien au contraire. Mais voilà, ça reste un beau match, même quand on était à 11 contre 11. Hein, certes, on a pris un but, mais ça reste un beau match de la part des Marseillais. Mais c'est sûr que le gardien adverse nous a bien aidés. Mais ça reste une belle performance de l'OM et une belle victoire qui aurait pu se conclure à 4-1. Mais le quatrième but était hors jeu. Mais en tout cas, c'est un bon résultat pour l'OM et qui se classe donc premier, hein, du classement. Donc c'est très bien pour l'instant. Tout va bien, comme on dit. Tout va bien. Avant les matchs retour, 5 points. Alors c'est serré, hein, puisque Athènes, Brighton, oui, sont à 4 points et l'Ajax, qui a d'ailleurs perdu à Brighton, est dernier avec 2 points. Donc rien n'est joué, mais c'est mieux d'être premier, évidemment, avant la phase retour. Donc déplacement à Athènes la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Et le Marseille jouera à 21h à chaque fois. Hein. Parce qu'on sait que souvent les supporters aiment bien le match à 21h. Bah là, ce sera les trois matchs à 21h pour les trois derniers de phase de poule. Donc Marseille, tout va bien, tout va mieux en tout cas. En championnat, en Ligue des Champions maintenant. Enfin, Ligue Europa, vous m'avez compris, en Coupe d'Europe. Toulouse, dans notre groupe. Bon, on savait que le défi allait être compliqué à Liverpool, on en avait parlé. Voilà, il n'y a pas eu de surprise. C'est défaite 5-1. C'est lourd, mais c'est le tarif, en tout cas, hein, face à une équipe de ce calibre-là. Hein. Ouais, l'écart, il est tellement énorme entre ces deux équipes que oui, tu ne pouvais espérer mieux. Et encore, on peut être presque content parce que déjà on a mis un but, Toulouse a mis un but et Toulouse a égalisé parce que Toulouse a pris un but à la 9e minute déjà, 1-0 but de Diogo Jota pour Liverpool, et puis seulement 7 minutes plus tard égalisation donc pour Toulouse un but partout de Dalinga, donc on aurait pu se dire tiens pourquoi pas, peut-être un match entre les deux, mais bon après voilà, Liverpool a déroulé et puis il faut rappeler aussi que Liverpool a entre guillemets lancer une équipe B au coup d'envoi, donc bon forcément il y avait plus de peut-être d'espace ou de cartes à jouer en première période, etc. Puis après bon il y a eu l'entrée de Salah, il y a eu l'entrée de Gakpo, etc. Bon ça a un petit peu changé, mais globalement la hiérarchie était respectée, on peut pas en vouloir à Toulouse. Ils ont joué avec ce qui, enfin ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont joué avec leurs cartes. Voilà, ils ont réussi à marquer un but, c'est déjà ça. Maintenant il y a le match retour la semaine prochaine aussi à domicile, alors on va essayer de falloir quand même faire quelque chose, en tout cas prendre un moins gros score hein, pour le goal average, c'est important, on le sait, on en parle beaucoup ici, le goal average c'est très important, alors pourquoi pas essayer d'accrocher au moins un match nul, alors, ça va être compliqué évidemment, mais essayer de pas prendre une toise comme ça en tout cas, mais pour essayer d'aller chercher évidemment la qualification après contre l'Union Saint-Gilloise et puis Linz en Autriche, là où il y a de la place, donc essayez de pas prendre une toise contre Liverpool à domicile. C'est ça, donc ce sera le 9 et ce sera cette fois 18h45. Ouais. Et enfin Rennes dans son groupe est toujours leader aussi après son succès à Panathinaikos 2-1. Voilà, donc pour Rennes qui reste invaincu puis qui reste sur ils ont perdu à Villarreal mais qui reste en tout cas sur un bon match et ça permet à Rennes de prendre la place de leader du coup temporairement puisqu'on rappelle qu'il y avait un match qui a été reporté entre Villarreal et Maccabi Haïfa pour les raisons qu'on connaît en Israël voilà évidemment voilà. Ouais. Donc oui, belle opération quand même pour le Stade Rennais. Il fallait vraiment réagir après, comme tu l'as dit, la défaite face à Villarreal. C'est chose faite. Hein, Rennes qui s'en est bien sorti dans ce match. Je veux pas dire qu'ils sont fait dominer, hein, faut pas dire ça non plus. Mais ils ont été plus efficaces que les Grecs. Après voilà, quand on regarde les statistiques en fin de match sur le papier, le Panathinaikos qui a un peu plus dominé Rennes hein, avec 19 tirs à 13. Rennes était plus cru, meilleur à la finition. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour Rennes qui s'impose 2-1 avec des buts de Goury et de Kalimuendo. C'est une belle opération pour eux et puis va falloir faire la même chose à domicile la semaine prochaine. Surtout que en ce moment en championnat c'est vraiment ralenti. Donc faut que Rennes continue comme ça en Ligue Europa. Mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti et on leur souhaite de faire la même chose hein, tout simplement. Et ce sera à domicile du coup pour le prochain match. Donc on va continuer. Je vois que on a le prince Albert qui est en train de parler. Je sais pas trop ce qu'il dit, mais il présente, je crois, le prochain trophée. Je crois que c'est ça. Et en tout cas, il y a un trophée devant lui, donc je pense que ça va être la suite du processus. Et enfin, on termine avec Lille, qui de son côté, est toujours invaincu puisque Lille a gagné à domicile face à Bratislava. Ça n'a pas été simple, hein, loin de là. Mais alors, puisqu'il était mené 1-0. Et finalement, ils s'en sortent en s'imposant 2-1. Voilà, donc c'était important de gagner puisque dans ce groupe, c'est ultra serré. Il fallait gagner et c'est fait. Donc ils prennent la place de leader 7 points. Bratislava est 6 et 2e avec 6 points. Et puis Klaksvik est 3e avec 4 points, qui est club des îles Féroé, on rappelle. Hein. Où Lille n'avait pas réussi à gagner en plus. Hein. Ouais. Alors attends, je regarde le direct, justement, c'est le. C'est Vinicius qui est. C'est le prix Socrates. Est-ce que c'est pas ça le fair play? Ah voilà, ah, c'est. Non, c'est quoi, non, c'est quoi le fair play? C'est le. Il pense que les actions extérieures. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, t'as raison. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, en fait. Mais c'est, ouais, c'est les actions extérieures que tu fais, voilà, les bonnes causes que tu soutiens, etc., les actions que tu fais. Donc c'est Vinicius qui gagne, ouais. Okay. Voilà, quoi, qui c'est. Je crois, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a œuvré pour les enfants. Bah, ouais, les enfants, ouais, dans la précarité, on voit ça, ouais. L'Institut Vinicius, oui, je sais pas exactement non plus, hein, honnêtement, je suis pas assez informé, pour être vrai. Mais après, on sait que Vinicius est très engagé, hein, dans plein de sujets, notamment le racisme, évidemment, malheureusement, dont il souffre beaucoup en Espagne. Hein, donc, mais notamment avec les enfants aussi, on le voit. Donc en tout cas, il remporte le prix Socrates 2023. C'est ça. C'est deuxième année, je crois, celui-là. Et Lille, donc, pour finir avec Lille, qui se déplacera cette fois-ci à l'extérieur, forcément, puisque ce sera un déplacement, et qui ira en Slovaquie. Mais je cherchais le pays en Slovaquie pour affronter Bratislava. Voilà pour donc nos clubs français. Si on fait le bilan, eh bien une seule défaite, celle de Toulouse, qui était plus ou moins attendue. Ouais. Et puis beaucoup mais comme depuis le début de saison, faut le dire. Un bon bilan, hein, pour les clubs français. C'est un bon bilan, effectivement. Et en plus, ces résultats qui permettent à la France de reprendre, de grappiller du retard sur les Pays-Bas. Hein. L'indice UEFA, on rappelle, puisque pour l'instant, c'est les Pays-Bas qui sont 5e. Et elle est importante, cette 5e place, qui permettra d'avoir 4 clubs pour la Ligue des Champions version 2025-2026. Donc c'était important de faire une belle semaine et désormais eh bien la France n'est plus qu'à 0,77 points. C'est plus énorme parce qu'il y avait presque 3 points de retard. Ouais, c'est plus énorme. Alors juste une aparté de 20, de 10 secondes. Parce que oui, alors là en ce moment à la télé tout ça, on entend encore les journalistes dire oui la France l'année prochaine on aura 4 participants à la Champions League, tout ça. Mais les amis, rien n'est fait. Hein. On est encore 5e pour l'instant. Pour l'instant, l'année prochaine, on n'a que 3 équipes. Alors, je trouve ça fou. Alors, ça, on parle de. Pardon, là, c'est pour la 2025-2026. Hein. C'est toujours 2 ans après. Donc, pour la. Dont on parle actuellement, c'est pour la perspective de 2025-2026. Pour 2024-2025, c'est déjà fait, en fait. Hein. Ah, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Hein, c'est. Ah ouais, mais d'accord. Ah oui, je suis. Donc c'est bien. Pour moi. L'année prochaine, on aura bien sur la nouvelle formule des champions 3+1. Et c'est pour 2025-2026 où il faut où ça se joue cette année, en fait. C'est toujours 2 ans de décalage. Ah ok. Non, bah, autant pour moi. Alors bah c'est marrant. Tu vois, je l'ai pas voulu l'entendre, j'en sais rien. Mais ah d'accord. Ok, c'est pour. Ah ok. Bon, attends, tant mieux alors. Donc, mais bon, faut quand même voilà, essayer de certifier pour dans 2 ans. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc 7 représentants pour l'instant et pour l'année prochaine et pour l'année suivante, bah, il va falloir rester 5. On va maintenant passer sur la partie européenne, alors que je regarde le direct très rapidement. On continue aussi de suivre, bien sûr, en fil rouge, c'est Amoni. Et on va essayer d'en finir à Philippe, puisque je crois qu'il y a un petit peu de bruit autour de toi. On va baisser un tout petit peu. Voilà. On va aller assez vite sur la partie Europe. On va essayer de faire vite parce qu'on a encore pas mal de choses et puis également suivre en fil rouge cette cérémonie 0-0 partout dans les trois directs, hein. Saint-Étienne-Angers, Grenade-Villarreal, Lazio-Rome, Fiorentina Et en tennis, c'est fini pour Tevler Fritz qui s'est imposé facilement 6-1-6-4. Grigor Dimitrov aussi est bien parti pour s'imposer face à Muzetti puisqu'il mène 6-2-5-3. Et par contre, troisième manche entre Thompson et Nishioka alors que Richard Gasquet devrait pas tarder à démarrer face à Tommy Paul. Voilà, puis il y aura pour finir la soirée Stan Wawrinka, Dominic Thiem, deux anciens, deux revenants, et ce sera pour conclure cette première journée à Bercy, enfin à l'Arena de Paris. On va donc, je disais, faire notre tour d'Europe habituel. On va pas pouvoir faire trop de débriefs parce qu'on n'est pas en avance, on est même en retard en fait. Mais on va essayer de faire 2-3 matchs. On peut parler pour l'Allemagne notamment, le carton du Bayern 8-0. On peut commencer par ça. Et le plus dingue, c'est que les 8 buts ont été marqués en deuxième période à partir de la 52e. Hein, c'est-à-dire que ça fait en 40 minutes 8 buts, ce qui est juste fou. Ah ouais, c'est fou. Alors, justement, comme on est en retard, ça tombe bien, parce que pour être honnête, j'ai pas regardé les résumés ni les matchs en direct du coup des matchs en Allemagne. Donc honnêtement, j'ai pas vu les images du carton du Bayern. Bon, cela dit, voilà, hein, oui, ils ont déroulé. Darmstadt, ça reste une équipe vraiment en dessous, on le sait, hein, du Bayern. Un triplé de Kane, un doublé de Sané, un doublé de Moussiala, un but de Müller. Voilà, bon, le Bayern a déroulé avec la plupart de ses joueurs offensifs. Bon, j'aurais bien aimé voir un petit but de Coman, hein, de notre Français. Mais une très belle performance pour le Bayern, qui du coup maintenant se classe donc deuxième, hein, avec 23 points, 2 points du leader qui est le Bayern, mais avec un goal average bien devant, hein, plus 27 pour le Bayern et plus 19 pour le Bayern. Ouais, et carton plein et beaucoup de rouges, hein. 3 rouges en première période, c'est d'ailleurs une première en Allemagne, hein, dans le championnat allemand, et puis aussi un but de Kane de 50 mètres, un but de 50 mètres, ouais, avec un triplé, donc ouais, c'est du carton plein pour le Bayern. Et puis tu le disais, en tête c'est le Leverkusen qui a gagné à Fribourg hier, hein, pour conclure la journée, ce qui permet au Bayern d'être leader. Et on a aussi un autre carton, c'est Leipzig, hein, 6-0 face à Cologne aussi, voilà, dans le même carton. Ouais, pareil, voilà, Leipzig, depuis le début de saison, je le dis, enfin depuis plusieurs saisons, de toute façon ils sont quand même partie des plus gros clubs de Bundesliga, mais encore plus cette année, avec toujours Openda qui est arrivé de Lens, Werner qui est revenu. Donc oui, très belle performance de Leipzig, avec un carton rouge aussi, hein, côté Cologne à la 80e, il y avait 4-0. Et puis 2 buts donc pour Leipzig à la 88e et à la 91e. Je pense que la supériorité numérique a permis d'accroître le score. Mais voilà, Leipzig qui cartonne également, comme tu l'as dit, 6-0. Et donc qui permet à Leipzig de revenir à la 5e place. Avec 20 points, qui est à 5 points du premier et qui est seulement à 1 point du podium, avec Stuttgart et Dortmund à 21 points. Et puis justement, Stuttgart et Dortmund, défaite pour les deux clubs. Enfin, non, défaite de non, Stuttgart, match nul pour Dortmund, qui aura pu leur permettre de rester au contact des deux premiers. Donc c'est un petit coup d'arrêt pour ces deux clubs-là. Mais voilà, la saison est longue. On aura d'ailleurs un beau Dortmund-Bayern ce week-end. Qui sera intéressant, puisque Dortmund pourrait repasser devant le Bayern en cas de succès, puis au contraire le Bayern pourrait prendre le large. Donc ça, c'est une belle affiche à suivre, donc ce sera ce week-end. L'Italie, alors, et ça, tu me dis si ça bouge du côté de, je suis pas dessus, mais sur la cérémonie, si ça... Non, je suis très je bien suis, l'Italie. Ouais. On est plus sur les féminines pour l'instant. D'accord. Il y a 6 nominés au Ballon d'Or féminin, 6 joueuses du Barça qui sont nominées. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est. On est en train de voir ça. Donc une grosse performance du Barça. Et pour l'instant, on est là-dessus. Voilà. L'Italie avec pour démarrer la Juve qui s'est imposée sur le fil avec un but de Cambiaso, 96e. Hein, qui a été très dominateur. Avec notamment 30 tirs, hein, et cette victoire qui est importante pour la Juve qui prenait la tête déjà à ce moment-là, c'était sans compter sur la victoire de l'Inter ensuite hier face à la Roma. C'est Thuram, Marcus Thuram, qui permet au à Inter de s'imposer, qui a fait une belle semaine, victoire en Ligue des Champions, victoire en Serie A et première place au compteur, au bout du compte. Face à la Roma, on le disait, qui fait pas un, fait pas un gros début de saison, la Roma. C'est vrai. Hein. Non, la Roma, ouais, c'est pas un gros début de saison. C'est plus non plus. Ouais, c'est pas. Entre guillemets, ça n'a jamais vraiment été un grand Italicien, mais vraiment le top 2, le top 3, ça a rarement été la Roma qui était dedans. Mais la Roma a toujours été évidemment une grande équipe d'Italie. J'ai déjà dit cette saison sur le papier, ils ont une belle attaque, Lukaku, Dybala, j'en oublie, Chiraoui qui revient pas trop mal, Belotti, etc. etc. Mais c'est vrai que ouais, la Roma, ça reste un petit peu moyen. Mais voilà, l'Inter qui a dominé globalement la rencontre, qui était assez maladroit, l'Inter, mais oui, but, comme tu l'as dit, de Marcus Thuram en fin de match à la 81e, et qui permet donc à l'Inter de reprendre sa première place. Et puis oui, comme tu l'as dit, la Juventus qui a gagné aussi 1-0, la Juventus en toute fin de match à la 96e, et pareil, oui, comme tu l'as dit aussi, avec 30 tirs à 7 pour la Juve. Alors 30 tirs, certes, mais je vérifie, mais oui, mes chiffres, 30 tirs, 6 tirs cadrés seulement. Quand t'es la Juve, même si tu vois, t'es plus la grande Juve de l'époque, 6 tirs cadrés que sur 30, c'est pas énorme, mais bon, la Juve qui reste deuxième avec 23 points, seulement à 2 points d'Inter. Pensons, la Juve fait un bon début de saison quand même. Donc pour l'instant, voilà, ça reste passionnant, ça reste serré devant entre les 2 Milan et puis la Juve. Ouais, les 2 Milan avec le Milan AC justement, ouais, qui a été fait un match nul à Naples 2-2, qui n'est pourtant 2-0 avec un doublé de Giroud, et finalement ben c'est Naples qui a réussi à revenir et qui a même pu s'imposer sans un Maignan décisif en fin de match. C'est un beau match, cette rencontre là. Ouais, un beau match, comme je disais rapidement tout à l'heure quand on parlait du PSG, Milan qui est en denti, ça a une bonne équipe, mais il y a beaucoup d'incertitudes, on a du mal à tenir les scores, ou alors on est maladroit devant le but. Enfin, Milan, c'est un peu ça, on gagne 2-0, doublé de Giroud, mais on n'arrive pas à tenir après. Il y a beaucoup de ça, et donc on doit s'en mettre du coup au gardien Mike Maignan, avec qui forcément on a un œil un peu plus attendri en tant que Français. Et surtout depuis la retraite de Loris, hein, comme forcément Maignan est devenu le numéro 1 en équipe de France, on le regarde beaucoup plus, en tout cas pour ma part, hein, forcément. Mais voilà, Maignan a encore fait un bon match, malgré évidemment ses deux buts encaissés. Voilà, bon, Milan, ouais, ça lie à leur image depuis le début de saison, deux buts partout, malgré le fait qu'ils gagnaient 2-0. Donc c'est un match nul qui... J'ai vu partout, j'ai vu un peu que ça satisfait tout le monde. Alors oui et non, satisfaire tout le monde, ça veut tout rien dire. Ça satisfait au niveau du classement, oui, mais moi, Milan qui aurait pu grappiller la deuxième place, et avec ce match nul finalement qui arrive au final, c'est pas un bon résultat pour Milan, mais bon, ça va être compliqué encore une fois du coup contre le PSG la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui, ouais, ça c'est sûr que ça va pas être simple. Après, ces résultats, tu le disais, c'est difficile de tenir le score et ça va porter préjudice, ça c'est clair. Très bien, le classement, rapidement, l'Inter, tu l'as dit, leader 25 points, la Juve 23, Milan 22, c'est Bergame qui est 4e, Naples est 5e, puis plus loin, la Roma et la Lazio sont 8 et 9e, sont déjà relégués à plus de 10 points du leader. En bas, Empoli, Cagliari, Salernitana sont relégables. En Espagne, la Liga, avec d'ailleurs un match en cours, c'est donc pour Grenade-Villarreal, 0-0 toujours. D'ailleurs, en Italie aussi, la Lazio face à la Fiorentina, 0-0. Et Saint-Étienne-Angers, 0-0 toujours aussi. Voilà, pour l'instant, ça ne bouge pas. En Espagne, on a notamment la victoire du Real 2-1. Dans le Classico face au Barça, c'est pourtant le Barça qui avait ouvert le score par Gundogan, et puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure de Jude Bellingham qui n'est pas pour rien ce joueur qui a remporté le trophée de meilleur jeune puisqu'il a marqué un doublé encore une fois, et c'est lui qui donne la victoire en plus aux siens dans ce derby, hein, dans ce classico plutôt. Ouais, donc assez rapidement, ouais, le Barça qui a plutôt dominé vraiment la première période, le Real qui était un petit peu fantomatique durant ses 45 premières minutes, avec, tu l'as dit, un but de Gundogan à la 6e minute de jeu en tout début de match. Et puis ouais, Bellingham avec qui égalise à la 68e d'une superbe frappe très en dehors de la surface, magnifique. Et puis qui vient marquer un doublé à la 82e dans les arrêts de jeu. Avec un peu de chance, le ballon qui est dévié, qui revient sur lui. Alors lui, il est juste devant le gardien dans la surface. Il arrive à bien placer le ballon. Mais c'est dingue. Bellingham qui de base est quand même plus un numéro 8, on va dire. Alors même si aujourd'hui numéro 10, numéro 8, ça n'existe plus vraiment. Mais on va dire que c'est plus un 8 et qui aujourd'hui est finalement placé en faux numéro 9 au Real. Et qui du coup se régale. Hein. Genre, j'ai pas le chiffre exact de. Il a combien de buts depuis le début de saison, mais c'est stratosphérique. Hein. Il a déjà une dizaine de buts en quoi Il a 10 buts. Ouais, il a 10 buts en 10 matchs. En Liga? En Liga, ouais. Il a, je crois qu'il a manqué un match, donc il est 10 buts en 10 matchs. Donc voilà, en Liga, il est déjà 10 buts en moins de matchs que ça, plus les buts qu'il a marqués en Ligue des Champions et tout. Non, franchement, Bellingham, c'est un début de saison magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est stratosphérique, j'ai pas ce qu'on veut dire. J'ai rarement vu un début de saison comme ça. Surtout marquer autant de buts quand t'es pas buteur, quand t'es pas ailier, quand t'es pas. Alors oui, il est plus en faux numéro 9, mais de base, c'est pas son poste. Non, franchement, il m'impressionne vraiment beaucoup et c'est. Je pense que c'est potentiellement un futur ballon d'or. Hein. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de risques de dire ça. Quoi. Bon, on va suivre la suite, hein, mais oui, ça promet évidemment, avec un début de saison comme ça, de belles choses. Encore un grand Real, probablement en Ligue des Champions, à attendre. Et puis, un mot de l'Atlético Madrid qui a gagné aussi face à l'Alavés 2-1, qui enchaîne encore. 14e victoire de suite hein, à domicile, donc ça se passe bien à la maison et ça permet de repasser 3e devant le Barça d'ailleurs avec un point d'avance et Atlético qui a aussi un match de retard encore, donc ils auront même l'occasion en cas de succès d'être premier tout simplement. Real et Rayron, c'est à 28 points aussi, égalité. Voilà, Giron, pardon, oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Paris-Ron. Non, c'est pas le même club, non. Et l'Atlético, donc, qui aura l'occasion de revenir aussi à cette place de leader, avec un match de retard, je sais même plus, c'est contre Séville, d'ailleurs. Ce sera le 23 décembre. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, il y aura encore un petit peu de temps, avec ce report-là. Voilà pour l'Espagne, et enfin, on va terminer avec l'Angleterre pour le Tour d'Europe et week-end anglais de la 10e journée. On peut par exemple parler de la victoire d'Arsenal face à Sheffield 5-0, qui a été flamboyant encore. Face à l'Arsenal rouge malgré tout, faut le signaler. Hein. Oui, voilà, vous allez commencer par ça. Oui, Sheffield qui est donc 20e, l'Arsenal rouge comme tu l'as dit de Première Ligue. Donc oui, ça nous semblait être une formalité que Arsenal non seulement gagne, mais une toise à cette équipe-là, 5-0, un triplé d'Nketiah d'ailleurs, l'attaquant anglais, qui a réalisé un très bon match, hein, franchement bravo à lui avec des beaux buts. Et ouais, 5-0, bon, c'est une formalité, un très bon match d'Arsenal, ils sont dominés de bout en bout. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce match, hein, à part que voilà, Arsenal reste évidemment dans les clous, à hauteur de City. Arsenal est d'ailleurs devant City, hein, malgré le fait qu'ils aient le même nombre de points, le même goal average, mais Arsenal est toujours invaincu, contrairement à City, qui a perdu deux matchs. Oui. Ah pardon, ça finit? J'ai fini. Pardon, excuse-moi, j'étais là. J'ai fini. J'étais en train de. Enchaîne maintenant, enchaîne. J'étais en train de regarder le ballon d'or et ça bouge, donc on en connaît, on connaît un peu plus de. On a remonté un petit peu le classement. Chez les femmes aussi, ça, le classement a monté puisqu'on a les 10 premières. Hein. Voilà, ça remonte tranquillement. Et c'est d'ailleurs le Barça qui était sacré club féminin de l'année. Il y a aussi un prix pour le club féminin de l'année. D'accord, ok. Et ouais, comme chez les hommes aussi. Enfin, ouais, ils ont mis ça en place aussi, qui avait remporté la Ligue des Champions et le championnat espagnol. Donc évidemment, c'est très logique de les voir ici. Et sinon, bah, pour le reste, ça continue et on remonte le classement féminin. On en est au 7, on connaît les trois dernières, 19 et 8. Donc on va remonter le classement. Voilà, tranquillement. Et Modric qui est dixième aussi. C'est pas d'accord. Si... Voilà. Justement, j'étais concentré un peu dans les résultats de ce week-end, justement, pour reprendre un peu mes notes. Mais oui, donc je vérifiais pas. Modric dixième, d'accord. Voilà, donc ça. Bon, ouais. Bernardo. Ah oui, puis tiens, ça remonte aussi. On peut remonter un petit peu. Bernardo Silva neuvième. Voilà. Et Victor Osimhen huitième. Voilà, pour l'instant. Les résultats connus jusqu'au top 8, donc on va après remonter le classement tranquillement. Toujours en Angleterre, on a aussi comme résultat la défaite de Chelsea qui a perdu à domicile face à Brentford. C'est un résultat qui est-ce qu'il est surprenant, peut-être pas avec la saison de Chelsea, je crois pas. Hein. Bah sur les dernières saisons de Chelsea, oui et non. C'est Chelsea évidemment. Donc on est toujours un petit peu surpris de les voir perdre comme ça contre Brentford. Mais oui, comme on dit, voilà, récemment, c'était pas tant une surprise que ça. Défaite 2-0. Après on peut regarder les stats aussi. Hein. Chelsea qui a 17 tirs et Brentford 7. Donc 10 tirs d'écart, mais Chelsea qui perd. 2-0, Chelsea qui cadre seulement 2 tirs sur 17. Donc c'est oui, c'est dire qu'il y a un réel manque de. Enfin, il y a un vrai bémol en finition. En même temps, on voit l'attaque de base. Hein. Bon, Sterling à gauche, très bien. En pointe, il y a Jackson. Bon, on ne sait pas trop réellement ce qu'il vaut. Attaquant sénégalais, alors, il n'est pas mauvais, je dis pas ça. Mais c'est Jackson, c'est pas un peu quelqu'un de confirmé. À droite, c'est pareil, c'est le jeune anglais de 21 ans, Madueke. Qui n'a pas extrêmement d'expérience non plus. Voilà, c'est une équipe de Chelsea, encore en dents de scie. Et même, je prends l'exemple aussi de Thiago Silva. Alors Thiago Silva, ça reste toujours un bon joueur, un bon défenseur. Et voilà, ce mec-là, il a 39 ans aujourd'hui, quoi. Donc forcément, Chelsea, ça reste compliqué, même le milieu de terrain. Enfin, c'est marrant, mais alors, c'est pas forcément à la même échelle, mais Chelsea, ça me fait penser à Lyon, quoi. À Lyon, en France, alors oui, c'est pas la même échelle, c'est pas le même classement. Tout ça, mais ça me fait penser un peu à ce style-là, une équipe qui n'a plus rien à voir avec les 3-4 années, il y a 3-4 dernières années, c'est un peu le même scénario, tu vois. Je suis pas sûr ce que je veux dire, mais. Ça a beaucoup changé, tu sais, c'est. Malheureusement, dans le mauvais sens, et. C'est. Bah voilà, puis Chelsea, champion d'Europe, il y a en 2020, hein, c'est ça, 2020. Ouais, c'est pas si loin. Hein. 2021, je crois. Pardon. Ouais, c'est 2020, c'est Bayern. Ouais. Mais ça me fait penser à Lyon qui est encore en demi-finale de Ligue des Champions en 2020 justement. Et là voilà, c'est deux gros clubs de leur pays et puis là ça patine. L'effectif est vraiment en dessous de ce qu'on avait l'habitude et là c'est pour ça que je les compare. En fait, c'est la même chose. Ouais, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est un début de saison qui est très moyen. Pour l'instant, avec une 11e place, hein, c'est vraiment pas une place habituelle pour Chelsea. Liverpool, par contre, qui va mieux, après sa victoire 3-0, c'était face à Nottingham Forest. Ça va très bien, hein, pour eux. Et, 7e victoire de la saison. Et revient à 3 points du leader, surtout. Donc, ça va mieux. Ça va mieux pour Liverpool. Oui, ça va mieux, ça va très bien. Une rencontre largement dominée, une victoire 3-0, avec 3 buts des 3 offensifs, hein, Salah, Nunez et puis Jota. Tout va bien, comme tu l'as dit, 4e à 3 points du leader Tottenham. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Pour l'instant, tout va bien à Liverpool, après leur victoire 5-1 contre Toulouse, victoire 3-0 contre Nottingham. Donc pour l'instant, tout roule. Et puis il y avait le derby de Manchester hier qui a tourné court, hein, victoire sans appel de City et Haaland aussi beaucoup. 3-0, voilà, c'était presque une formalité pour City quand même sur cette rencontre. Oui, oui, bah, c'est pareil, ça fait quelques années aussi que Manchester is blue, hein, que Manchester est bleu. Ouais, ça fait des années que United n'arrive plus à rivaliser contre City, à part quelques fois en League Cup ou en FA Cup, je sais plus, mais bon voilà, ça fait oui quelques années que voilà, Manchester c'est City, c'est pas United. C'était le cas encore hier, voilà, City qui a largement surdominé et alors classe directe et Emiliano Martinez qui gagne le trophée Yashin. Hein, De meilleur gardien, voilà, c'est ça. Bon, oui, je vais pas dire ce que je vais pas dire ce que j'en pense. Je vais m'énerver. Donc je reviens à Manchester. Donc oui, United qui a pas du tout sorti la tête de l'eau durant ce match. Il y a eu, la victoire aurait pu être plus salée hein, que ça. Oui. Il y a eu des très beaux arrêts de Nana dans les buts de United qui a fait. On va dire dans les grandes lignes un bon match parce qu'il a sorti plusieurs gros arrêts. Mais voilà, au final ça fait 3-0 pour City, c'est mérité. Et ça aurait pu être plus gros. Donc voilà, Manchester is blue comme j'ai dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Ça a été. C'est un peu plus salé. C'est vrai qu'il y a des gros arrêts. Et bon, sur les buts, il peut pas faire grand chose, hein, mais c'est du grand City. Mais City n'est pas leader, on le disait. Tottenham qui est leader, qui d'ailleurs s'est imposé en début de week-end à Crystal Palace, donc ça permet à Tottenham d'être toujours leader et invaincu, comme Arsenal d'ailleurs, qui est deuxième avec 22 points de retard, City aussi 24 points, Liverpool 23 points, et plus bas United 8e 15 points, et puis on disait Chelsea 11e 12 points, qui est déjà qui est déjà à 12 points du podium, c'est énorme, c'est déjà très très loin. Et en bas, Luton Town, Burnley et Sheffield, toujours un petit point au compteur. Compliqué pour ce club-là qui va avoir beaucoup de mal, je pense, à se maintenir. Cette semaine, à noter que nous jouerons en Angleterre le 4e tour de la League Cup. Voilà, de la coupe de la Ligue anglaise. Ce qui correspond en fait au 8e de finale, hein, si on veut être plus précis. Donc 8e de finale de la League Cup au programme West Ham Arsenal, ce sera mercredi. Bournemouth Liverpool, Chelsea Blackburn ou encore United Newcastle. Et je crois que les autres rentrent. Non, c'est qu'ils ont déjà perdu City, j'avais oublié, c'est vrai. Perdu à Newcastle. Ouais. C'est pour ça qu'on ne les voit déjà plus. C'était lors du tour précédent. Donc voilà. Donc ce sera le 4e tour, 8e de finale de la League Cup cette semaine. Et je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas regardé, mais j'ai pas. Je crois que c'est tout. Juste, je sais pas si t'allais le dire, mais week-end prochain, donc en première ligue, deux belles affiches en tout cas entre Newcastle et Arsenal. Voilà, deux équipes relativement en forme. Et puis Tottenham Chelsea, donc le leader contre Chelsea qui est malade, mais ça reste une belle affiche londonienne. Oui. Voilà, derby de Londres encore une fois. Ouais, c'est vrai. Voilà, de belles affiches week-end prochain. Et si on aura aussi, puisqu'on parle des coupes, la coupe d'Allemagne cette semaine, le 16e de finale. Voilà, donc tout le monde sera sur les pelouses pour ce deuxième nouveau tour de coupe. Et je crois que c'est tout. Après, dans les autres, ça va arriver un petit peu plus tard. Si, on a aussi la Coupe d'Italie ici, deuxième tour de la Coupe d'Italie. On n'a pas encore les clubs européens qui rentreront uniquement en huitième de finale. Je pense à l'Inter, à Fiorentina, Milan AC, la Lazio, la Roma, la Juve, Naples. Tout ça arrivera en huitième de finale. D'ailleurs, on connaît déjà les tirages puisque tous les Européens ne se rencontreront pas, hein. Ils seront mis dans des matchs séparés. Donc la deuxième tour de la Coupe d'Italie, ce sera donc cette semaine aussi. C'est vraiment une semaine de coupe. Bien sûr, la Coupe de France, ça arrivera un petit peu plus tard puisque on en est encore qu'au tour de Ligue 2 bientôt, hein, je crois. Hein. Je dis pas de bêtises. Je sais pas si on en parle pas encore, c'est un petit peu tôt, mais non, c'est encore trop tôt. En Coupe de France ? Oh, c'est le sixième tour qu'on a joué. Oui, oui, là, alors, maintenant, parce que je regardais le ballon d'or, c'est pour ça que je t'écoutais pas trop. Désolé. Merci. Oui, oui, donc en Coupe de France, là, le sixième tour a été joué ce week-end, là, c'est passé. Voilà. Et là, à partir du 16e tour, les équipes de Ligue 2 rentrent en lice. Voilà, c'est bien ça, oui, très bien. Voilà. Puis il y a aussi le premier tour de Coupe du Roi. Voilà, donc c'est vraiment une semaine de Coupe. Coupe du Roi cette semaine, mais également pas d'Européens pour le moment qui rentreront qu'au deuxième tour. Donc là, en fin de compte, c'est les 32e de finale pour l'instant, si on veut parler simplement pour la Coupe du Roi. Et puis là, à noter qu'en. Oui, au sixième tour de Coupe de France, l'USO s'est qualifié face à Saint-Privé-Saint-Hilaire au tir au but. Ça a été compliqué pour l'USO, mais Orléans qui s'est qualifié malgré tout pour la suite de cette Coupe de France. Les autres clubs de national se sont qualifiés, hein, Nîmes, Red Star, Rouen, Épinal, Cholet, Avranches notamment. Niort a perdu face à Bayonne, ça c'est une surprise, National 3, donc Bayonne qualifié, Fos-sur-Mer également, Dijon qualifié, Sochaux, Châteauroux, la plupart des clubs, Versailles par contre s'est fait sortir par une équipe de National 2, Martigues aussi s'est qualifié, on parle pas évidemment des autres clubs plus bas, mais ça c'est pour les clubs de National, qui pour la plupart se sont qualifiés, et après on attend le 7e tour, et tu le disais, ce sera quand? Tu sais, tu m'as juste dit que c'était le club de Ligue 2 qui est rentré. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, le tirage au sort, c'est mercredi. Mais les matchs, je sais plus c'est quand. D'accord, c'est bien. Merci d'être précis. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Le tirage au sort, c'est mercredi. Je peux être précis là-dessus. Après, le reste, je ne sais pas. Le tirage au sort, c'est mercredi. Très bien. Et on verra après les matchs. Ça va aller vite puisque... Ouais, je pense que c'est dans deux semaines, hein, je pense. Ouais parce que alors pas semaine prochaine parce que c'est du surf. Enfin, en tout cas je parle de mon club là où je suis local. Je sais que la semaine prochaine ils jouent en championnat. Donc je pense que c'est soit dans deux semaines du coup, soit dans trois semaines le septième tour, voilà. Je pense. Hein. D'accord. Il reste encore d'ailleurs des clubs de district. Hein. Il reste trois voire quatre clubs hein, pour l'instant. Parce qu'en fait il y a encore des matchs à rejouer, donc il y aura 3 ou 4 joueurs de D1, enfin de district, pardon. Donc, les petits poussés sont encore là pour le moment. Et donc on verra après la suite. On vous dira évidemment lundi prochain le tirage au sort, ce qu'a réservé ce tirage pour les clubs de Ligue 2. Mais les matchs qui vont arriver assez vite. Bien sûr. Restons d'ailleurs en France avec. Alors que on suit toujours. Tu restes bien sûr sur le fil rouge. Ballon d'or si ça bouge hein, de ton côté. Je suis. Ça va être le trophée Müller qui va être Gerd Müller qui va être récompensé. D'accord. Alors que les directs, c'est la mi-temps en Ligue 2. On va en parler justement de Ligue 2 tout de suite là, dans quelques secondes. Avec quelques résultats du week-end. C'est 0-0 pour l'instant à la pause. Il y a du but en Espagne puisque Villarreal mène 3-2 face à Grenade. On joue seulement la 38e, donc c'est un match qui est animé. Villarreal mène 2-0, qui s'est vu rejoindre de partout. Puis là, 3-2 à l'instant. Ça bouge beaucoup. En revanche, c'est plus fermé en Italie où on est à 0-0 entre la Lazio et la Fiorentina. Et en tennis, c'est parti pour Richard Gasquet qui a fait le break d'entrée et qui mène 2-0 face à Tommy Paul. Troisième manche à venir entre Dimitrov et Muzzetti. Et puis troisième manche toujours aussi entre Thompson et Nishioka dans l'autre match donc de la soirée. Donc on parlait de Ligue 2. Juste avant, revenir sur... le match de l'USO qui jouait la semaine dernière des matchs donc en national pour d'abord le match de retard puisqu'il y avait un match de retard d'ailleurs déjà pour Orléans face à Sochaux, ça a été une défaite, large défaite, 4-2 mercredi dernier, donc c'est ce match de retard en tout cas qui est joué, mais c'est une défaite. Et puis sinon, reprise vendredi. Là, il n'y avait pas de match puisqu'il y avait la Coupe de France, il n'y avait pas de match ce week-end, mais vendredi, reprise, déplacement à Marignane vendredi soir. Et pour le moment, Orléans qui est 10e, 14 points. Voilà, tout juste. C'est très serré, on le disait, hein, puisque le podium n'est qu'à 5 points, mais en revanche, le maintien pour l'instant n'est qu'à 1 point. Voilà, tu peux tout jouer en fait, tu peux jouer le maintien et donc il a monté. Priorité au direct, Erling Haaland qui remporte le trophée Gerd Müller. Voilà, ouais, bon, ce qui est logique. Ouais. Le trophée Gerd Müller, pour rappel, c'est voilà, en gros, c'est le soulier d'or, hein, ouais. Celui qui a marqué le plus de buts durant l'année en Europe. Voilà, c'est ça. Donc bon, je sais plus combien il a mis, mais enfin en Europe, même dans le monde, je sais plus exactement. Ah oui, d'accord. Bah je sais plus, parce que maintenant le Ballon d'Or, ça peut être n'importe qui le remporte, donc c'est pour ça que j'ai un doute. Je sais que Mbappé est deuxième du coup de ce classement, mais Haaland en tout cas est devant et voilà. Alors j'ai pas le nombre là sous les yeux, j'ai pas le temps de voir, mais en tout cas Haaland qui gagne ce trophée Gerd Müller. Très bien, bah écoute, on va voir la suite. Attends, bah je crois que j'ai l'info. 56 buts en 57 matchs. D'accord, et ben Mbappé qui est pas loin derrière, hein, parce que il est dans les 50 aussi. Hein, Ouais, bah 52 en 53 matchs avec Manchester City. Donc oui, c'est énorme, 56 en 57. C'est impressionnant. Et tu disais donc Mbappé, 54 buts. Il y a eu 41 buts avec le PSG, et puis c'est 13 buts avec l'équipe de France, donc 54 buts, puisque ça compte aussi. Et donc il a deux buts de plus, hein, Haaland. Il a mis beaucoup moins de buts avec son pays. Mais il est à deux buts seulement, Mbappé. Ça se joue à rien. Mais c'est bien l'Hollandais qui est devant. Et je crois que l'an passé c'était Lewandowski qui avait mis moins de buts que ça. Lewandowski qui avait. Ah si, il était à 57 en 56 matchs. C'est quasiment pareil, hein. Les stats sont quasiment identiques. Un but de plus l'an passé pour Lewandowski. Pareil, c'est quasiment du un but par match, hein. C'est impressionnant. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est bien ce trophée-là, parce que on voit les statistiques stratosphériques, encore une fois, des joueurs. Alors là, par contre, pour ceux qui voient la cérémonie en direct, on revoit les 52 buts, c'est ça, Haaland? 52? Et il remonte les 54 buts? 54, oui, tous. Ah ouais? Ils les font un par un, là. Bon, c'est rapidement, mais ils le font quand même, hein, donc c'est assez long. Là, on est au 22e, mais ils les font tous un par un, quoi. C'est marrant. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, 56. 56, ouais, voilà, donc là on est qu'au 26e là. Mais oui, il les remontre tous un par un, donc ouais, voilà, c'est tout. Ah ouais, ok, bon bah très bien. On va attendre que ça se finisse alors. On va attendre que ça se finisse. Et oui, l'an passé c'était un de plus, ouais, pour Lewandowski. Ok, très bien, on va attendre la suite. En attendant, en Ligue 2, eh bien ça joue toujours, c'est la mi-temps entre Saint-Etienne et Angers, 0-0. Pour l'instant, c'est Laval qui est leader de ce classement, malgré son match nul à Amiens et sa dernière défaite. Il reste leader, hein, malgré les deux derniers mauvais résultats. Mais Angers qui revient du coup à la deuxième place avec ses 5 victoires consécutives, hein, qui reprend à la deuxième place avec 23 points. Auxerre qui a été battu en toute fin de match face à Dunkerque, 1-0. Reste troisième et pareil, enchaîné deux matchs sans victoire. Donc il n'est plus que troisième. Et puis en plus on a Grenoble, Saint-Etienne. Pour l'instant Saint-Etienne qui pourrait faire une belle opération en cas de succès. Il pourrait tout simplement prendre la deuxième place. Donc c'est important de ce match pour les Stéphanois face à Angers en plus qui est deuxième. Donc c'est vraiment un match important. Angers pourrait tout simplement repasser leader. Et profiter des matchs nuls de Laval et Saint-Etienne pourrait passer deuxième, donc match important au sommet du classement ce soir. Et puis pour parler de Bordeaux qui est pas bien, puisque Bordeaux est 15e seulement avec 12 points et reste sur les 5 derniers matchs sans victoire. C'est vraiment une série catastrophique pour Bordeaux qui est que 15e. Et on retrouve ensuite Paris FC, 3, Valenciennes, Dunkerque et Quevilly, Rouen à la dernière place de ce classement de Ligue 2. Et donc on aura bien sûr la 13e journée ensuite qui va se poursuivre samedi et Lundi pour finir, lundi prochain, ce serait Guingamp au CR qu'on suivra en direct. Voilà le point en Ligue 2. Évidemment, terminons avec la Ligue 1. Alors juste Rémi, alors, deux secondes. Hein. Mais là, je viens de mater les 56 buts d'Haaland. Alors c'est fou. Alors j'aimerais voir les Mbappé tout ça, mais bon, c'est des joueurs différents. Mais Haaland, sur les 56 buts, alors je crois qu'il n'y en a aucun qui est marqué en dehors de la surface. Et la plupart, hormis les pénalties, c'est soit des tirs qui sont ratés et qui reviennent vers lui et il marque, vraiment en renard de surface, ou alors c'est que des trucs comme ça, il marque à peine aux 6 mètres ou un petit plus à 7-8 mètres du but, mais c'est que des buts comme ça. C'est un vrai renard de surface, c'est vraiment le neuf de base. Alors c'est très bien, je critique pas, hein. Pas de problème, hein. Mais c'est vraiment le renard, le neuf, le renard de surface, quoi. C'est, à Land, c'est vraiment ça, quoi. C'est ouf. Je me faisais la réflexion en regardant sur 56 buts. Je crois vraiment qu'il n'y en a aucun en dehors de la surface. C'est vrai qu'on ne voit jamais tirer de loin. C'est ça. Et puis, c'est pas non plus un joueur dribbleur. C'est pas l'individualiste. C'est pas le mec qui va te faire 2-3 dribbles et qui va frapper et marquer. C'est vraiment le renard. C'est soit la patte vient sur lui et il marque. Soit il y a un tir raté, ça va sur lui et il marque. C'est que ça. Donc un vrai renard, tu vois. C'est un joueur à l'ancienne et à la fois moderne. C'est ça qui est marrant avec lui. Qui est marrant et qui est fou, quoi. Mais en tout cas, il mérite évidemment son trophée. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Et il mériterait même aussi le Ballon d'Or. Le vrai trophée, voilà. Ça, ce sera peut-être pour plus tard. Ouais. On continue avec, on finit avec la Ligue 1 et on commence avec le premier match de cette 10e journée. C'était Clermont-Nice. Nice qui continue sa marche en avant avec une victoire 1-0. Toujours le plus petit des écarts, mais ça suffit pour une 6e victoire cette saison. Voilà, ils ont un match assez équilibré quand même, mais clairement qui n'a pas réussi à marquer ce but. Et à la différence de Nice et de Boudaoui qui permettait à Nice de prendre la tête et qui d'ailleurs l'a gardé. On verra pourquoi avec cette victoire. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Nice tranquillement qui s'impose, qui reste un match en plus. Ouais, non, pas grand chose à rajouter. Hein. Nice, c'est du classique, hein. Une petite victoire, mais qui reste efficace et qui est toujours la seule équipe invaincue en Ligue 1. Donc non, rien de plus à rajouter. Voilà, petit score, mais c'est suffisant. Nice qui est leader logiquement. Donc bravo. Samedi Reims, on va aller assez vite sur ce match Reims-Lorient. Ouais. Reims qui a fait craquer Lorient dans les dernières minutes, 80 buts à 84e de Wilson Esbran. C'était un match plutôt fermé, hein, mais ça suffit d'ailleurs. Ce joueur, faut savoir qu'il a été prêté par Manchester City, hein, Joss Wilson Esbran, et c'est lui qui a, pour son premier but en Ligue 1, qui a permis à Reims de s'imposer et qui prend la 4e place d'ailleurs. 5e, pardon, ça a bougé après dans le week-end, ouais. Effectivement. Samedi soir, c'est Lens qui recevait Nantes après son match cette semaine. On pouvait s'attendre à une victoire 4-0, peut-être pas, mais c'est ce qui s'est passé pour les Lensois, qui a bien enchaîné après son match de mardi, qui a été intense en plus. Et qui permet en plus de reprendre un petit peu la marche en avant en Ligue 1, hein. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on attendait de Lens, une grosse victoire en Ligue 1, à l'image de leur performance en Champions League. Alors cela dit, le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, puisque Nantes aurait vraiment mérité de marquer un ou deux buts. Ils ont eu des occasions, hein, les Nantais. C'est pour ça que je dis 4-0, c'est un peu sévère, parce que Lens a eu deux pénalties notamment. Alors, les pénalties, ça se provoque, c'est mérité, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Mais Nantes, qui aurait pu marquer au moins un ou deux buts. Mais au final, bon, ils n'ont pas été assez décisifs dans la finition. Donc, ça fait 4-0 pour Lens. Ça reste toutefois mérité, hein, y a pas de problème. Voilà, Lens, je pense qu'il se fait du bien en championnat en gagnant 4-0. Et qui donc revient à hauteur, et même, non, même plus, non, à hauteur, pardon, de Marseille et de Rennes, à 12 points. Avec un goal average pour l'instant négatif, hein, moins 1, et qui donc reste derrière Marseille et Rennes. Mais Lens qui revient bien pour l'instant en championnat, malgré le début de saison assez mitigé en championnat. Et voilà, pour l'instant je pense que c'est très bien pour la confiance. dans la lignée de ce qu'ils font en Coupe d'Europe. Donc non, très très très bon match accompli pour le RCL. Dimanche, donc hier, d'abord on avait le PSG qui jouait à 13h, qui allait à Brest, victoire et victoire 3-2, mais pareil qui s'est quand même fait peur sur cette fin de rencontre, puisque Brest est revenu à 2-2 avant de compter sur Kylian Mbappé. Et j'allais dire un penalty, mais un penalty en deux temps, qui a d'abord été repoussé et puis qui finalement a été transformé ensuite. Et ça a été compliqué pour Paris la fin de match, et on a même presque pu voir une victoire brestoise, puisqu'à la fin il y a eu des occasions avant le but de Mbappé, des occasions de but, et finalement bah Paris s'en sort. C'est compliqué quand même cette fin de rencontre. C'est marrant, c'est le PSG depuis le début de saison avec Luis Enrique. C'est comme souvent, 30-40 premières minutes très bonnes, on se dit voilà, bah le PSG gagne 2-0, ça va être une formalité, ils vont gagner tranquillement. Et puis comme souvent depuis le début de saison, et ça se relâche, je sais pas trop ce qui se passe. Ils laissent du lest à l'adversaire et ça fait 2-1, puis 2-2. Et puis ça donne la confiance à l'adversaire qui en plus joue chez lui, Brest, donc voilà, on se dit ben, qu'est-ce qui va se passer, ou 2-2, et puis une fin de match hachée, une fin de match très hachée, un penalty pour le PSG, Mbappé qui se fait siffler, qui se fait insulter en public, par le public, pardon, brestois, qui répond après son but au public, qui fait des gestes en un peu du genre calmez-vous, fermez-la, tu vois bien, je sais pas si t'as vu le match Rémi, mais... Ouais, j'ai vu la scène, ouais. Ouais, voilà, donc, et d'ailleurs, alors j'ai mon avis aussi là-dessus, hein, ça m'énerve. Mais Mbappé qui a pris un carton jaune là-dessus, sur sa célébration, qui justement demande au public de se calmer, voilà, tu vois. Non, à un moment, le foot, que ce soit à n'importe quel niveau, c'est de la provocation, c'est du jeu. Voilà, à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est comme Neymar qui prenait un carton jaune parce qu'il faisait trop de dribbles à l'époque. Ça, c'est n'importe quoi, les gars. Faut sortir un peu de la niche, quoi. Mais bon, ça, c'est l'arbitrage français. Alors, je sais que t'arbitres Rémi, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour l'arbitrage français, il y a quand même des très très grosses lacunes, et dont ça, si à un moment la provocation n'a plus sa place dans le foot, et ben on arrête le foot, tout simplement. Donc là on joue aux échecs et on se tait, quoi. À un moment il faut arrêter les conneries. Si Mbappé n'a même plus le droit de faire calmez-vous ou fermez-la aux supporters de Brest, et ben il va jouer au tennis, hein, le mec. Hein. Non mais sérieux, faut arrêter les conneries. Donc ça pour moi c'est un scandale de prendre un carton jaune là-dessus. Mais bref, niveau sportif, voilà, le PSG qui gagne, mais encore une fois, c'est assez mitigé, ouais, ils gagnent 2-0 et puis Hervé, ils se refont prendre au score. C'est très très bizarre ce PSG de Luis Enrique. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a d'autres choses qui sont moyennes. C'est spécial, mais on a l'habitude, hein, depuis le début de saison, c'est pas la première fois où ils se font rattraper. Et je pense qu'à mine de rien, il y a encore quelques lacunes. À voir si ça peut se régler dans les prochaines semaines et les prochains matchs. Mais il va falloir, parce que c'est des choses qu'il faudra pas réitérer en Ligue des Champions notamment, parce que ça passera pas contre tout le monde, évidemment. Là c'était Brest, mais si tu mets en face un gros de Ligue des Champions, ça risque de pas être les mêmes. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut pas reproduire ces matchs-là. On a ensuite le Lille-Monaco, et Monaco qui chute à Lille, malgré ses trois dernières victoires, et voilà, ça fait une deuxième défaite cette saison. Voilà, Lille qui a été meilleur dans tous les étages, hein, en défense, sur des attaques rapides aussi, voilà, et donc ils ont été plus entreprenants avec deux buts avant la pause, ce qui a suffi. Voilà, donc ils ont ensuite résisté en deuxième période, et ça suffit pour s'imposer 2-0 et en plus repasser devant Reims, on le disait tout à l'heure, à la quatrième place, et revenir justement sur ce podium qui est serré, on va en parler après, mais voilà, pour Monaco c'est un petit coup d'arrêt voilà, qui était pas attendu, mais on sentait déjà la semaine d'avant à Metz, ça avait été compliqué, il a fallu compter sur Golovin, et cette fois-ci ça n'a pas suffi, et voilà, et c'est un petit coup d'arrêt qui peut aussi faire du bien pour repartir en avant. On rappelle qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de Coupe d'Europe pour Monaco, donc il faudra se concentrer uniquement sur ces seuls matchs par semaine. Donc voilà, c'est aussi peut-être bien pour la suite pour Monaco. Alors juste rapidement, Manchester City, voilà, on s'en doutait, ouais, a été élu le club de l'année au Ballon d'Or. Voilà. Oui, bon, sans surprise évidemment. Voilà. Et ça a bougé sinon dans le non. Non, pas bougé, d'accord. Non, pour l'instant Modric est toujours 8e, il y a rien de plus pour l'instant. Bon, on verra pas à la fin à mon avis, mais c'est pas grave. On poursuit avec Montpellier, on va aller assez vite. Montpellier, Toulouse, Montpellier qui s'impose 3-0. Voilà, ça fait du bien pour Montpellier, hein, qui était en manque de résultats ces dernières semaines. Donc 3-0 victoire pour Montpellier, qui repasse devant Toulouse d'ailleurs grâce à ce succès. Très vite, puisque c'est un match nul assez fermé entre Metz et Le Havre, 0-0. Voilà, il s'est pas passé grand-chose. Ça n'arrange personne, évidemment, ce résultat, puisque Metz reste 16e et Le Havre... qui reste 13e, donc c'est vraiment pas un résultat qui arrange les équipes. Et puis même chose pour Rennes Strasbourg, un but partout. C'est pareil pour Rennes, ça coince toujours au milieu de tableau à 8e place. Strasbourg aussi qui est englué dans cette fin de le championnat, donc ça arrange personne non plus. Strasbourg a quand même pu s'imposer en fin de match, hein. Y a eu des occasions avec notamment l'entrée de Gamero, mais voilà, c'est un match nul assez logique, mais qui arrange personne, donc un but partout. Et puis arrêtons-nous aussi quelques minutes avant de donner le classement sur Marseille Lyon qui devait avoir lieu hier, qui a été reporté, on le rappelle, après les jets de Pierre sur le quart lyonnais et surtout aussi la blessure de Fabio Grosso qui a été aussi l'événement qui a fait décider ce report, hein. Je voulais au moins avoir ton avis sur sur l'événement, toi qui supporte Marseille, et un petit peu avoir ton ressenti sur ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais rien vous apprendre, je vais pas vous surprendre non plus. Voilà, pour moi les mecs qui ont fait ça, c'est tout simplement, je vais dire les termes, ce sont des merdes, voilà, faut le dire. Ce sont pas des supporters de l'OM, ce sont pas des fans de foot, ce sont pour dire un terme, hein, ce sont des hooligans, hein, y a rien de plus à dire. Justement, en tant que Marseillais, à la limite, tu vois, j'ai plus d'empathie pour le PSG entre guillemets que pour Lyon. Vraiment, Lyon, c'est le club que j'apprécie le moins, on va dire, en France, de par évidemment notre rivalité, mais après je respecte évidemment Lyon, je respecte le club, je respecte l'histoire du club. C'est l'un des meilleurs clubs français, l'OL, avec l'OM, avec le PSG, etc. L'OL, ça a été le seul club qui a gagné 7 Ligue 1 d'affilée, c'est Olas, c'est une des grosses équipes, c'est des grosses performances en Ligue des Champions, tout ça. Lyon, c'est Lyon. Et à un moment, la rivalité, c'est une rivalité, certes, mais la rivalité, c'est sur le terrain. Enfin, ça peut être en dehors. Mais si c'est en dehors, il n'y a pas à avoir de violence, il n'y a pas à avoir de bagarre, il n'y a pas à avoir de ce qu'on a vu hier. Et ce qu'on a vu hier, c'est juste inadmissible. Mais à quel moment on caillasse un véhicule? À quel moment on nous sommes en caillasse, mais vraiment on lance des... C'est quoi? C'est des parpaings qu'on lance, on blesse l'entraîneur, on peut blesser des joueurs. Mais on est où? On est où? C'est pas le zoo. C'est la Ligue 1. En plus, on est dans un moment... pas charnière, mais bon, alors, lunaire, parce que la LFP, la Ligue voulait son milliard d'euros concernant les droits télé, alors ce qui était déjà lunaire, hein, justement, sur le papier, et ce qui n'est pas arrivé, hein, justement. Alors, en plus du fait qu'on va pas avoir l'argent escompté, ben là, avec des affaires comme ça, on va en avoir encore moins, l'argent, les gars, pour les droits télé. Faut en être conscient de ça, hein. Là, on a perdu cet été Messi et Neymar, donc forcément, au niveau marketing, on perd beaucoup en termes finances. Et en plus, avec des affaires comme ça, mais on tue notre football, hein. Les gars, on tue notre foot. Donc ça, c'est une connerie sans nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas de solution, hein. Je suis pas très proche de ce monde du foot professionnel. Donc j'ai pas de réelle solution. Renforcer la sécurité, oui et non, parce que ben, finalement, il y avait de la police, il y avait du CRS, il y avait du CRS. Voilà, et ça n'empêche pas des cons comme ça à réussir à attaquer un bus. Je veux dire, le bus, il a été attaqué aux abords du stade Vélodrome. Donc là où il y a le plus de sécurité. Alors si déjà là, on a du mal à protéger un bus d'un club pro qui est l'Olympique Lyonnais, même si demain on renforce la sécurité à cet endroit-là, et ben tant pis, les cons, ils iront attaquer les bus 500 mètres avant. Mais le problème sera toujours le même, car il n'y a rien à faire contre ça. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est taper fort au niveau de la justice, au niveau du pénal, en fait. Ces mecs-là, il faut qu'ils prennent du ferme. On les identifie et ils prennent du ferme. Voilà, je suis supporter marseillais. Ce sont soi-disant des supporters marseillais qui ont fait ça. Et encore une fois, selon moi, ce ne sont pas des supporters. Donc ces mecs-là, il faut les enfermer, les interdire de stade, les interdire aux abords des stades, surtout. Qu'ils n'aient pas le droit de rentrer, c'est une chose. Mais il faut qu'ils n'aient pas le droit d'approcher un stade à moins de, j'en sais rien, de, alors, je sais pas comment, mais il faut pas qu'ils puissent approcher un stade à moins de 500 mètres. Et encore, je suis gentil. Il faudrait même plus. Et ces mecs-là, il ne faut vraiment pas qu'ils s'approchent de ça. C'est, non, ce qu'on a vu hier, c'est inadmissible. Moi, en tant que justement, comme tu l'as dit encore une fois, de supporter marseillais, tout le week-end, je me faisais une joie d'attendre cet Olympico. C'est un match qu'on attend deux fois par an à chaque saison. Comme le Classico contre le PSG, c'est un match que j'attends à chaque fois. Encore plus quand c'est au Vélodrome, parce que je sais qu'il va y avoir justement une ambiance de fête, parce que c'est une grosse rivalité, je sais que ça va se taquiner, ça va se chambrer, c'est Marseille-Lyon. Voilà, on a envie que ça joue, qu'il y ait de l'enjeu. Même si Lyon, cette année, c'est compliqué sportivement, on a envie qu'il y ait de l'enjeu. Et qui plus est, justement, alors, il n'y a pas d'excuse avec ce qui est arrivé hier. Mais encore plus là, Lyon est dernier de Ligue 1. On est super loin d'eux. Il y a encore moins de raisons de s'attaquer à Lyon, quoi. Il y a jamais de raison de s'attaquer comme ça physiquement à des entraîneurs, à des joueurs et des bus, etc. Il y a aucune raison d'attaquer jamais. Il y a aucune raison. Mais qui plus est cette année, Lyon est loin de nous. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire ça? Sérieux. Donc non, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Voilà, pas de surprise. Je suis dégoûté de ça. Voilà, encore heureux que le club n'ait pas eu de sanctions sportives et au classement, etc. Là-dessus, parce que le club n'est pas responsable, hein, c'est même pas dans l'enceinte du stade. Donc encore heureux que le club n'ait pas eu de sanctions là-dessus. Voilà, bon, je suis déçu que le match n'ait pas eu lieu. Je suis attristé par ce qui est arrivé donc à Fabio Grosso notamment. Et voilà, on a vu son visage ensanglanté, son adjoint aussi qui était un peu blessé. Voilà, je pense pas qu'il nous écoute. Et encore, peut-être. Mais en tout cas, je lui adresse tout mon soutien à tout ça à Grosso. Voilà, c'est non, ce qu'on a vu hier, c'est scandaleux, c'est honteux. Franchement, c'est Ça pourrit notre image, ça pourrit le foot français, ça pourrit l'OM surtout. Ça pourrit l'OM alors que c'est pas des supporters, ça pourrit l'OM. Et ça, c'est ça qui me dégoûte vraiment. Mais bon, bref, voilà, c'est juste ce que j'avais à dire et je pense que t'en penses pas moins, quoi. Enfin, je suis assez énervé parce que ça touche mon club. Donc forcément, mais enfin, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça pourrait être la même chose, quoi. Oui, c'est du dégoût en fait. C'est plus du sport là. C'est au-delà du sport et c'est pas les valeurs qu'on attend dans tous les sports d'ailleurs. Et ça fait mal au cœur et on sait pas où ça s'arrête en fait. Cette violence, il y a plus de limites et on n'est plus dans du sport du tout. C'est ce que tu disais, c'est pas des supporters. Ils sont pas là pour supporter un club, ils sont pas là pour voir un match, ils sont là pour casser, quoi. Ouais, pour casser du Lyonnais, en fait. Je pense que vraiment c'est ça, hein. C'est ce qui était prévu. Alors qu'on pourrait, on peut très bien vivre une rivalité très mature, très fort. Ah oui. Mais voilà, moi je suis pour le chambrage. Je le disais tout à l'heure pour Mbappé contre Brest. Alors c'est pas une rivalité, mais en fin de match, ça chambrait, parce que voilà, c'est une fin de match tendu, il y a de partout, puis à 3-2, ça chambre, mais ça, je suis pour ça, mais 20 000 fois, je suis pour ça. Mais pour que ça reste dans le respect, même si à la limite, il y a des insultes, bon, ça peut se discuter. Mais si avec des insultes, et voilà, bon, ben, pour moi, ça fait partie du sport, c'est comme ça, faut avoir joué au foot pour comprendre ça. Ou au foot ou autre chose, hein, mais faut avoir pratiqué pour comprendre ça. Après de là à venir vraiment aux mains à de la violence, à vouloir saigner de l'adversaire, mais là c'est juste être con en fait. Voilà. C'est juste être con. Point. Alors d'ailleurs il y a eu une question du report toute la soirée. La plupart des joueurs lyonnais voulaient jouer, hein. Je sais pas si tu viens de dire ça parce que je voulais vite faire rebondir là-dessus. Ouais. C'est que justement hier quand on était encore un peu dans le flou, justement que le match venait d'être annulé, enfin reporté, on avait donc John Textor, hein, le président, le propriétaire de Lyon, qui était au micro de nos confrères de Prime Video, et qui lui disait, contrairement à ce qu'on entendait depuis plusieurs minutes, qui disait que les joueurs lyonnais voulaient, eux, jouer le match quand même. Ouais, bon, alors la que plupart, de, ouais. Alors que depuis 10-15 minutes, 20 minutes, on entendait que Lyon voulait absolument pas jouer le match. Ce qui était compréhensible de tout point de vue. Hein. Voilà. Mais selon Textor, si les gens voulaient jouer. Alors après, au début, il disait ça. Après, je crois, on lui a fait la remarque. Donc, du coup, il a un peu peaufiné ses paroles en mode ouais, si au début, il voulait. Puis au final, on s'est rendu compte que le coach, grosso, n'avait pas toutes ses idées. Donc, on s'est dit que non, finalement, c'était pas. Enfin, en fait, c'était un bordel comme ça. Et c'est à l'image de la saison de Lyon. Ah, bah, c'est ça, ouais. C'est qu'il n'y a rien qui va. Tout le monde se contredit. Il n'y a pas de cohérence. Textor est toujours à l'ouest. C'est un Américain. Enfin, j'ai rien contre les Américains, encore une fois, mais ils sont tellement en dehors, non seulement du monde sportif européen, mais donc du football, parce que c'est pas leur sport, là-bas, le foot. Voilà, le soccer, c'est pas leur sport, les gars, et c'est comme ça. Après, silence, mais. Et ça le prouve, il est en train de se perdre tout seul. Mais parce qu'il s'y connaît pas en foot, il n'est pas européen, il sait pas ce que c'est. Et là, tu vois, il dit encore n'importe quoi, c'est pas cohérent. Bon, après, voilà, c'est pas mon club, donc à la limite, voilà, mais ça me fait quand même chier pour Lyon, parce que Lyon, c'est encore une fois un grand club français. Et cette rivalité avec l'OM, j'ai envie qu'elle reste, et j'ai envie que du coup, le club reste un peu à son meilleur niveau, parce que c'est comme ça qu'on aime les rivalités. Voilà, si Lyon l'année prochaine est en Ligue 2, on perd un gros rival, Marseille, et ça fait chier, parce que c'est sympa les Marseille-Lyon quand même. Voilà. Mais Textor, voilà, t'es encore un peu à l'ouest, quoi. Je voulais revenir là-dessus parce que tu m'y as fait penser, quoi. Et ça bouge pour Ballon d'Or féminin qui a donné son verdict. C'est Aitana Botmati qui a été élue Ballon d'Or féminin, championne d'Espagne et d'Europe avec le Barça. On l'avait dit tout à l'heure, le Barça qui avait été la meilleure équipe. Et donc on a aussi Sam Kerr, l'Australienne, deuxième, et enfin Salma Paruelo aussi the leader avec 22 points. PSG deuxième avec 21 points, Monaco troisième 20 points. Ensuite on a Lille 18 points, Reims 17 points, Brest 15 points, Nantes et Rennes sont juste derrière 7 et 8e, Marseille 9e 12 points. Avec du coup ce match de retard, hein. Lens est 10e 12 points. Et puis en bas, c'est serré, hein, puisque jusqu'à Lorient 15e 10 points, hein, ça se joue en deux points. Hein. Et après Metz 9 points, et puis alors là, Clermont 5 points, et puis Lyon toujours 3 points pour le moment. Avec ce match de retard, pour l'instant, on n'a pas de report, bien entendu. Mais voilà, il va falloir se remettre de tout ça pour les Lyonnais qui rejoueront dimanche. On va l'évoquer avec le calendrier. Les pronostics, tout de suite. Avant d'attaquer, il est déjà 22h08. Ça va très vite. Hein. On va essayer d'aller vite pour ces pronostics. Déjà, les résultats de la 10e journée. Alors des résultats en cours puisqu'il y a toujours ce match de retard. Et pour le moment, on a Hugo avec 3 points. Encore une belle perf, hein, bravo. Et, merci. Ah bah, en fait, tu gagnais un point à chaque fois. T'avais un point il y a 2 semaines, 2 points la semaine dernière. Ah, t'as 3 points. Dans 3 semaines, tu seras peut-être à 10. Qui sait? Attends, tu m'as dit quoi? 3 points? 3 points, monsieur. Non. Non. Non, parce que quand je regarde mes notes, j'en ai 4. Ah, alors c'est quoi le quatrième que t'as pas vu? Nice, j'avais mis Nice. Nice, c'est bon? Ouais. J'ai mis Lens. J'ai un nul, moi. Lens Nantes. J'ai peut-être dû changer alors depuis. Non, bah autant pour moi alors. Parce que j'ai mon application, voilà, mais. Ah bah j'ai peut-être dû changer entre temps alors. Ah, mais après, on pourrait écouter l'émission si tu veux, s'il y a un doute. Non, mais j'ai sûrement changé entre temps. Et j'avais mis Paris et Montpellier aussi gagnant. C'est ça. Ok, non, bah j'ai dû changer Lens. Bon, bah c'est tout autant pour moi. Bon, pas de regret puisque j'ai 5 points donc. De toute façon. Oui, bah c'est bon, t'es bon. Ouais, voilà. Pas la peine de te la péter, gros. et donc, Marseille-Lyon, il restera à jouer. De toute façon, on a mis tous les deux Marseille, donc ça changera pas le résultat. Oui, allez, ouais. Allez, voilà. Allez. Et que ça, il y aura aussi, on rappelle que Montpellier-Clermont sera rejoué aussi, hein, le match de la 8e journée, qui avait été arrêté. Il sera rejoué complètement, donc ça n'aura pas d'incidence sur le. notre classement puisque tu avais un point, je te rappelle. Voilà. Donc tu peux prendre un deuxième point à la rigueur, peut-être. Enfoiré, ouais. Alors un petit bilan après les 10 premières journées. Voilà, on aime bien faire des petits bilans comme ça toutes les 10 journées. Non, okay. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. pour l'instant en victoire, 8 victoires à 5 pour Rémi. Et en points, 37 points à 26. Voilà. Aïe, aïe. Voilà, c'est que les 10 premières, allez, il reste. Ouais, mais non, mais moi, je prends des risques. Voilà. Ça paye pas. Non, parce que moi, j'aime le beau jeu, en fait. Et toi, t'arbitres, c'est ça. T'as pas d'âme. Ouais, mais c'est efficace, regarde. Non. 8 sur 10, quand même. Non. 8 victoires sur 10, c'est propre. Non, c'est pas propre. C'est pas beau. Pas bon à entendre. Bref. Bon, allez, on va pronostiquer la 11e. C'est parti. On y va tout de suite. J'annonce une large victoire de ma part. J'annonce. Allez, tu te mouilles beaucoup là. On y va. Oh. Avec. La musique, elle est belle. Eh oui. On y va avec. Vendredi d'abord. C'est donc le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier. Ouais. Paris est deuxième. Montpellier est 11e. Moi, je mets Paris. Ouais, bah pareil aussi, hein, forcément. Ouais, ils sont en surprise. Ouais. Ensuite, c'est samedi 17h, on aura d'abord Lorient-Lens. Lorient est, eh bien, 15e. 15e, ouais. Et Lens est 10e, et va mieux. Est-ce que ça suffira pour gagner? Moi, je pense que Lens est dans une bonne dynamique. Je vais tenter Lens aussi, ouais. Ouais. Je tente Lens. Toujours samedi, à 21h cette fois, Marseille-Lille. Marseille est 9e, Lille est 4e, mais reste sur une victoire importante face à Monaco. Marseille n'a pas joué. Dans quel état de forme seront-ils? On verra, mais moi je vais mettre un nul du coup. Je sais pas trop là-dessus. Je suis un peu perdu. Ouais, je suis un peu comme toi. Après, encore une fois, tant que supporter marseillais, je vais tenter la victoire marseillaise. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai. Prince à domicile sur Vélodrome. Bon, le fait de ne pas avoir joué, je ne sais pas comment ça va faire, mais Lille qui est plutôt sur une bonne dynamique, hein, 2 dernières victoires, 4 matchs sans défaite, donc allez, je pense qu'ils vont maintenir la dynamique et ne pas perdre. Dimanche à 13h, on aura Lyon justement, qui n'a pas vu non plus, qui va recevoir Metz, qui est 16e. Hein, c'est vraiment le match de la mort. De merde. Le match d'angoisse pour les deux clubs, mais je vais mettre Lyon, moi, qui allait, malgré le contexte, va enfin gagner cette première victoire chez lui. Rémi, ça fait des semaines qu'on dit ça. Ils vont bien finir par gagner un match quand même. Ça fait deux semaines qu'on dit ça. Ils vont gagner quand même un match quand même. Bah oui. Mais ça paye pas. Excusez-moi le terme, on se fait niquer à chaque fois. Donc je sais pas. C'est quoi, je vais mettre nul. 2-2. Enfin, nul quoi. Mais c'est ça, de toute façon, comme ils vont gagner un match, au bout d'un moment, on aura bon. C'est ça le truc. Mais peut-être pas, ils gagneront pas un match. Hein. C'est déjà arrivé ça, j'ai jamais vu ça encore. Non, je pense pas, mais bon. 15h maintenant, les matchs de 15h, on a d'abord Nantes-Reims. Nantes 7e, Reims 5e. Nantes qui reste sur une claque, on rappelle, et Reims qui reste sur une victoire. Par contre, moi je vais mettre Reims cette fois-ci. Bon, ce qui est je te suis. Allez, c'est parti. Strasbourg, Clermont. Ensuite, Strasbourg 14e. Clermont 17e. Ça, c'est des sacrés matchs. Hein. Je vais mettre Strasbourg, moi. Ça, j'ai hâte d'y être dimanche 15h. Comme un mec qui sait pas, je vais mettre match nul. Allez, c'est pas mal ça, les matchs nuls quand on sait pas. Hein. Ça passe bien. Ouais. Toujours 15h. On aura Toulouse, Le Havre. Toulouse 12e, Le Havre 13e. C'est pareil, ça me fait pas rêver. Je vais mettre match nul, moi, du coup. Moi, je tente Le Havre. Allez, à l'extérieur. Et enfin, les deux derniers matchs. D'abord, 17h, Monaco-Brest. Monaco 3e, Brest 6e. Brest qui reste sur 4 matchs sans victoire. Hein, qui a fait un bon début de saison. Il y en a qui rentrent un peu dans le rang. Pour Monaco, il s'agira de rebondir. Et moi, je vais mettre que Monaco va rebondir à domicile face à Brest. Eh ben, je tente le nul. Allez, c'est parti. Brest, il va se réveiller, je pense. Et enfin, à 20h45, on aura un Nice-Rennes. Nice leader, Rennes est 8e. Et pareil, 3 matchs sans victoire. Je vais mettre la victoire de Nice 3-1 pour ma part. Et ben ça c'est le pire match de 21h, enfin de 20h45. Sur la saison jusqu'à maintenant, j'ai envie de tenter la surprise. Je vais mettre 2-1 pour Rennes. Je tente. Moi, je tente. C'est pour ça que je perds à chaque fois. C'est parce que je tente. Je veux voir du beau jeu. C'est tout à ton honneur. Mais oui, mais merci. Merci. Est-ce que j'aurai une médaille? Non, pas de médaille. Ah putain, je suis déçu. C'est dommage. C'est plus ce que c'était, Radio Arc-en-Ciel. C'est plus ce que c'était. C'est fini, il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus de moyens. Très bien, c'est noté tout ça. Est-ce que ça bouge encore, Ballon d'Or? Toujours pas. C'est la pub. Ah, d'accord, donc ça bouge plus, effectivement. C'est la pub. Tiens, on parlait tout à l'heure de Fabio Grosso. 30 jours d'ITT hein, pour Fabio Grosso. Hein. Ah oui? Ouais, quand même. D'accord. Ouais, ouais. Quand même. 30 jours, bon, il peut reprendre le travail par contre, mais il y avait quand même beaucoup de points de suture, je sais plus combien, mais c'est. C'était pas 5, 6, 6, 7. Ouais, c'est ça. Pas, hein. Ouais, ouais. Ouais, quand même, ouais. Ça fait beaucoup, ouais. On termine par les directs qui se terminent. Saint-Étienne-Angers 0-0, 20 minutes encore à peine. Grenade-Villarreal 3-2 toujours pour Villarreal. Et moins de buts en deuxième pour l'instant. Lazio Fiorentina 0-0. Voilà, c'est pareil, il ne se passe pas grand chose, encore un quart d'heure. Et enfin, en tennis, c'est toujours Richard Gasquet qui a gagné 6-0 la première manche. Voilà, très bien, face à Tommy Paul. Par contre, il est breaké dans la deuxième manche, 3-2 pour l'instant pour l'américain. Voilà, et puis. Tout à l'heure, du coup, victoire de Dimitrov, finalement, en trois manches, et de Nishioka aussi en trois manches. Et puis, il y aura, bah, juste après, le Wawrinka, Dominic Thiem, qui va s'enchaîner pour finir la soirée avec un beau match entre deux anciens grands joueurs. Donc, ce sera à suivre après, pour ceux qui le souhaitent. Et d'ailleurs, je crois que le tournoi est diffusé sur C8, hein, je crois, ce tournoi de, alors peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas vous avez quelques rencontres qui seront diffusées au moins les demi-finales et les finales pour cette zone. Voilà pour les derniers matchs à suivre, et puis bah après toute la semaine évidemment le programme qui va arriver avec le foot, on en a parlé, on aura toute la semaine, vous avez toutes les coupes à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, il y aura beaucoup de matchs toute la semaine. Ce week-end évidemment aussi, et puis on aura la journée de Ligue 1, de Ligue 2 et de National également. En rugby, bah, c'est reparti, le top 14 hein, ça va s'enchaîner avec les autres journées. En tennis, donc Rolex Paris Master toute la semaine. En basket, évidemment il y aura encore tous les matchs cette semaine en Europe, Coupe d'Europe. Et puis sinon Orléans jouera quatrième journée. Il y aura deux matchs. Hein, il y aura demain soir à domicile face à Rouen, face au deuxième du classement. Les deux équipes invaincues. Allez-y, une belle affiche à l'Arena en plus. Donc ça peut être sympa. Et puis un autre match, ce sera vendredi à l'extérieur en Alsace pour ce deuxième match de la semaine. Donc ça c'est pour le basket. Et puis autrement. Du hand aussi, et puis il y aura de la Formule 1 encore une fois avec un nouveau Grand Prix, même si c'est déjà joué depuis un petit moment, ce sera un Grand Prix du côté de Sao Paulo, voilà pour ce Grand Prix de dimanche. Voilà pour le programme de la semaine, plein de choses encore. Alors que Olivier Giroud gagne le trophée Yachine. Ah, meilleur but, plus beau but. Non, meilleur gardien, trophée Yachine. Ah, pardon, la petite vanne. T'as du mal à suivre, toi. Ouais, mais non, c'est quoi le meilleur? Il n'y a pas le meilleur but aussi? Le plus beau but? Non, le trophée Puskas, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Comment ça n'a rien à voir? C'est pas dans. C'est dans quoi alors? Non, ouais. C'est la cérémonie FIFA, Puskas, non? Ouais, c'est FIFA, ouais. Ah, ouais, c'est pas les mêmes que. Il faut suivre. Ouais, et puis, non, je crois qu'il n'y a pas de meilleur but dans le Ballon d'Or. Enfin, il n'y a pas de. Non, ça ne sera pas. Ouais, il y a assez de trophées. Hein. Oui, il y a trophée à la con, c'est bon, il y en a assez. Alors, un dernier titre avant de se quitter. On a quasiment fait 3 heures d'émission. Pour un On va essayer de tâcher de faire plus rapide. C'est quoi? on va être fin précis, un classique du classique, voilà. Tu mets Billie Jean de Michael Jackson, et voilà. Très bien, très bon choix. Voilà. Pour finir. Merci. Voilà. Pour ceux qui avec ça, merci à toi pour cette participation. Ce soir. Merci encore une fois pour l'invitation. Hein. Toujours un plaisir. Rendez-vous lundi prochain, 20h30, hein, puisque les vacances sont finies. Hein. On reprend l'horaire classique, 20h30, 22h30. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission aussi sur le Facebook. D'ici là, bonne semaine à vous. Bonne soirée déjà, bonne fin de soirée. Et puis, bonne semaine aussi. Et ciao, vive le sport, ciao. Ciao, salut. I'm a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one on the dance, on the floor, in the round. She said, I am the one on the dance, on the floor, in the round. She told me her name is Billie Jean, and she calls to sing. Then heavy hair turned with the ice to dream. I've ganhar o segundo bola depois Miguel Reizinho. Acaba por afastar a defensiva do Sporting. Passe longo, é para Guióqueras, vai fugindo aqui pelo lado esquerdo. Guióqueras a fazer um compasso de espera, a conseguir ali ganhar. Está ali em luta, estava em luta com Rodrigo Abascal, o uruguaio. Não o largou e se deu pontapé de canto. Guióqueras é uma força da natureza, Paulo. E a levantar por completo ali a massa adepta leonina por trás da baliza, defendida nesta segunda parte por João Gonçalves. Grande lance de Guióqueras, o atacante sueco, de facto possante, a ganhar pontapé de canto. É o primeiro nesta segunda parte, o quinto para a equipa do Sporting. 5 minutos na segunda parte, pontapé de canto aqui do lado esquerdo. Lá está a levantar os dois braços o Pedro Gonçalves, vai bater, bateu o pé direito, a bola a viajar lá para o lado contrário, aparece ali idealmente de cabeça, a bola a sobrar ainda para Catamo, a descongestionar, a meter ali para trás para Mateus Reis a levantar, mas bem agora a Salvador Agra a deixar a bola rolar até sair para a linha final. É pontapé de baliza para ser executado por João Gonçalves. Não tarda, vamos entrar no momento em que os técnicos mexem nas equipas. Já estão 10 elementos, 5 de cada lado, em exercícios de aquecimento. Sim, Vitor. Quer dizer, Paulo, que has de reparar que há uma pequena mudança, uma pequena nuance só na estratégia do Boa Vista. Nesta segunda parte, quando a bola está nos 3 homens que iniciam a primeira fase de construção do Sporting, Petit responde com 4 homens muito subidos, ou seja, a Tiago Moraes, Bozenic e Masaki, junta-se Makota para ter ali superioridade numérica e não deixar que o Sporting construa à vontade a partir dos seus 3 homens mais recuados. A bola está em Delmando, lá estão os 4 homens a subirem no relvado. Agora é a vez, deve ser ali Filipe Ferreira a tentar importunar o seu adversário. Lá está o passe a sair agora por parte de... seria por parte de Marcos Edwards, à procura de Guióqueras ou então de Pedro Gonçalves. A bola vai para Xie Dodds, é melhor fazer uma abertura aqui para Agra. Agra a entrar do lado direito, já está no meio campo contrário, tem ali sobre ele Pedro Gonçalves. Salvador Agra a puxar a bola para a linha de cabeceira, a ganhar bem posição o Mateus Reis, mas à falta de Salvador Agri, é pontapé livre para a equipa do Sporting, mesmo à frente do Paulo Vidal. É, foi mesmo no fim da linha, e este lance entre Salvador Agri e Mateus Reis, com Agra a dar ali um pequeno empurrão em Mateus Reis, o brasileiro naturalmente a deixar-se cair e a ganhar esse pontapé livre, já cobrado por Gonçalo Inácio. O Sporting continua a ganhar no estádio do Bessa, ao Boa Vista por 1-0, vai lendo o golo marcado pelo moçambicano Catamo aos 37 minutos da primeira parte. Organiza a equipa do Boa Vista, do lado direito, Masaki, lá está o japonês, a jogar para trás para a Agra, recolhe de pé esquerdo, manobra de pé dito, a descongestionar, meteu para o seu meio campo, Chidose. A Chidose tem ali a aproximação, olha a geneira, a bola agora para Marcos Edwards, para marcar o Sporting, entrou na grande área, vai marcar, atirou! Ainda o corte e a desperdiçar Marcos Edwards, a geneira de Rodrigo Abascal, a conseguir Marcos Edwards entrar na cara de João Gonçalves, e depois o guarda-redes e também o Abascal a conseguir lá chegar e a impedir o golo da equipa do Sporting. É uma tremenda oportunidade para Marcos Edwards, o britânico, a não conseguir finalizar com sucesso depois de ter ganho um lance, uma oferta por parte da defensiva achadraçada. Edwards, de pé esquerdo, é um jogador rápido, de finta rápida, a arrematar de pé esquerdo, mas muito bem João Gonçalves, e depois também com a ajuda de Abascal, a evitar que o Sporting dobrasse a vantagem no estádio do Bessa. Eu não sei se foi uma prenda do Halloween, se foi o Natal que veio mais cedo, mas Rodrigo Abascal agora meteu água, parecia de facto uma daquelas barragens da EDP. Olha Makuta, olha o Boa Vista, Arthur, a atenção era para Bozenic, aparecer ali o corte da defensiva do Sporting, muito bem de Almanda, a bola vai agora na direção de Catamo, Catamo a passar ali por toda a gente, vai para o chão, Carrinho, e há falta por parte de Makuta, fica o homem do Sporting estatelado no relvado. E não percebi a boa verdade, Paulo. Porque é que o Nuno Almeida deu a lei da vantagem? Porque a bola ia ficar à disposição dos homens do Boa Vista. Claro, é uma leitura errada por parte do árbitro Algarvio neste lance. Está caído então o jogador do Sporting, agora a ser reerguido pelos companheiros de equipa. No caso concreto, Jenny Catamo está restabelecido e vai haver então pontapé livre para Seba Coates executar. Lá está Seba Coates no meio do seu meio campo, deixar depois em Diomando. Diomando ali a manobrar de pé direito, deixa no Uruguai, dá para trás, dá para o Gonçalo Inácio, a meter aqui na ala para Mateus Reis, recolhe Mateus Reis de pé esquerdo, a manobrar, a deixar no corredor central, a bola está ali em Morita. Morita foge, deixa depois na lateral, já dentro do meio campo contrário, outra vez Mateus Reis, a jogar para o seu meio campo para Gonçalo Inácio, a Gonçalo Inácio com umas botas azuis, ali a manobrar de pé esquerdo, dá para trás, dá para Seba Coates, a depois para Gonçalo Inácio, a geneira de Gonçalo Inácio, bola para Bozanico, lá vai Bozanico, foge, está já sem ângulo, Bozanico tira cruzamento, Gonçalo Inácio a ceder a pontapé de canto, faz uma geneira Gonçalo Inácio e depois não consegue resolver o problema, empurra a bola pela linha final, canto, agora Gonçalo Inácio, a geneira vezes dois. Foi a solução encontrada pelo central do Sporting para, enfim, limpar um pouco aquele erro inicial. Bozenic já não tinha praticamente ângulo para finalizar e depois com Inácio a tocar pela linha de cabeceira para esse pontapé de canto, é o quarto para a equipa do Boa Vista. Do lado direito, lá está Filipe Ferreira, o escardino da equipa do Bessa, a colocar a bola no quarto de círculo, a tomar ali algum balanço, a aproximar-se na Masaki, ali daquela zona, mas estou a crer que vai despachar a bola lá para dentro da grande área, vai Filipe Ferreira ali a despachar para a primeira posta, afasta depois o Mateus Reis, a bola a sobrar aqui para Masaki, Masaki rasteiro, dá para trás, dá para Salvador Agra, Salvador Agra tinha ali a aproximação por parte de Marcos Edwards, falta de Iócares, pontapé livre, já marcada, a bola está em Reizinho, Reizinho encosta tudo aqui para o lado direito, para Masaki, Masaki rasteiro, dava na direção de Filipe Ferreira, afasta a defensiva do Sporting de qualquer maneira, a recuperação por parte agora de Salvador Agra, a Salvador Agra a deixar em Chidose, estamos com 12 minutos na segunda parte, resultado manter-se, olha a equipa do Boa Vista, ali a descer lá para o lado esquerdo, a deixa no corredor central, a Bozenic, a Bozenic a virar o jogo aqui para o lado direito para Makuta. Makuta, segundo é que consegue ali ficar senhor do lance, a puxar a bola para a linha de cabeceira, tira cruzamento, a bola para Morita. Confirmo agora, estamos com 13 minutos na segunda parte, 57 minutos de jogo. Mantém-se o resultado que trazemos desde o minuto 37. A Boa Vista 0, Sporting 1.